Bienvenue à tous dans votre nouvelle émission de podcast Flashpoint dédiée uniquement à l'actualité DC Comics. Donc c'est notre première, donc voilà, soyez indulgents, on va essayer de faire le mieux possible pour que tout se passe bien. Donc je vais vous présenter les membres. Donc bon, on n'est pas 20, on est que 3 pour commencer. Donc il y a Vinch, Bonjour. Spectra, Salut à tous. et moi, Wally. Salut à tous. Alors bon, on va commencer donc cette émission. On va commencer le schéma qu'on va établir à chaque émission, qui dans un premier temps sera donc mensuel. Ce sera d'abord, on traitera les news cinéma, les news séries télé et comics VO également, et les news comics VF bien entendu. Et ensuite, on aura une partie consacrée aux reviews, donc aux critiques des films. Bon, là, en même temps, au niveau des films, il n'y en aura pas beaucoup. Et ensuite, on critiquera également les épisodes des séries qui vont commencer à la rentrée. Là, on parlera des épisodes les plus marquants, bien ou en mal, des futures séries qui vont arriver. On critiquera les comics qui sortiront en français et en VO. Et ensuite, plus tard, pas pour commencer, mais plus tard, on essaiera de s'attarder sur un run d'un personnage. Un run qui nous aura marqué sur un personnage en particulier, et puis on terminera par tout ce qu'on a fait de geek ou de moins geek, mais qui ne rentre pas dans l'univers DC Comics. Donc on va commencer par les news ciné. Donc Spectra, je te laisse commencer, vas-y. Eh ben, on va faire un petit tour d'horizon du coup des annonces qui ont été faites cet été concernant l'univers DC au cinéma. Donc bah, tout d'abord, enfin une première photo de Wonder Woman dans son costume. T'en as pensé quoi, toi, cette photo? Alors le look, ça faisait après j'ai pas spécialement d'accroche avec le personnage, mais j'ai trouvé que ça faisait très Xena la guerrière quoi. Et j'ai du mal à voir comment ils vont intégrer ça avec. Avec Superman et Batman dans une esthétique qui est quand même un peu froide et réaliste. Donc je demande à voir quoi, mais je suis pas convaincu pour le moment. Ça fait un peu New 52 aussi, donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant, ils ont plus ou moins bien modernisé le personnage, ils auraient pu le regarder plus, je trouve. Maintenant, le défaut, enfin, on a du mal à se faire une idée, je veux dire, dans un premier temps, parce que c'est un filtre fort rouge, donc on a du mal à voir les couleurs. Mais sinon, c'est vrai que ça peut faire un peu guerrière, etc. Mais bon, faut dire que c'est quand même une princesse Amazon, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même un exploit d'avoir réussi, enfin, je trouve qu'elle est super bien réussie esthétiquement, parce que adapter un personnage comme ça au cinéma, ça peut vite devenir très ringard, quoi. Et donc là, sur ce côté-là, je trouve que ça fait vraiment, vraiment bien moderne, quoi. Je trouve que ça rend bien, quoi. Et en plus, Après, on verra, c'est. Ouais. ouais, Gal Gadot, je trouve qu'elle remplit quand même bien le costume, quoi. Ça fait quand même bien guerrière, donc. Ouais, la bonne prestance. Ouais, le filtre, ça claque, hein. Ça fait vraiment une belle image, quoi. C'est vraiment une belle photo qu'ils ont sortie, quoi. Ouais. Ensuite, je te laisse continuer, Spectra, vas-y. Et ben ensuite, du coup, un petit mot sur le teaser de Batman Superman. Donc en qualité qu'on a tous plus ou moins vu, en qualité pourrie, mais qui était quand même assez excitant. Donc Ouais, carrément, ouais. on voit Batman qui allume le bat-signal avec un costume, ouais, une armure même en référence à Dark Knight Returns, et puis avec Superman dans la lumière, avec les yeux rouges, le tout sous la pluie. Donc c'était quand même un bon moment quoi. Ouais, c'était assez énorme, quoi. Il était assez. C'était peu, mais suffisant et assez épique et efficace, quoi, pour attendre encore, encore 2 ans, quoi. Ouais, c'est un teaser qui remplit parfaitement son rôle, quoi, on va dire. Il est sur la fin, mais il en montre suffisamment pour donner envie aux gens d'en savoir encore plus après, quoi. Ouais, Après, c'est un c'est peu. plutôt rassurant quoi pour ce qui va suivre. Surtout qu'il y a toutes les photos qui filtrent là de plus en plus, donc ça s'annonce pas mal, hein. Moi, par contre, les photos, après, j'arrête de regarder, parce que je préfère après tout découvrir le jour où le film sort, parce qu'après, avec tout ce qui sort en permanence, après tu te gâches le truc, quoi. Entre les rumeurs d'histoire, les rumeurs de personnages et tout, moi je commence à plus aller voir un peu ce qui se passe, pour garder la surprise. Les rumeurs, ouais, j'évite aussi, mais les photos par contre, j'aime bien regarder, enfin j'ai du mal à résister, on va dire, puis ça donne envie, quoi. Ah, puis aujourd'hui, il y Encore avait un une an. photo de la Batmobile, donc. Ouais, Ouais, claque. c'est sûr. Hein. Et après, niveau cinéma, donc il y a aussi le Aquaman qui est presque officiellement Ouais, bah ça serait bien qu'ils officialisent là vraiment quoi, mais bon apparemment ce serait Jason Momoa. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, enfin je suis pas fan de l'acteur, je le vois pas en Aquaman, ça pour moi c'est la petite déception du casting pour le moment, mais bah après je demande qu'à être surpris hein, ça c'est clair, mais voilà, je suis pas convaincu quoi. Moi j'ai vu une photo fan art là de lui en Aquaman, c'est énorme quand même. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, J'ai j'ai aussi. vu, ouais. Maintenant, je trouve qu'il ressemble plus à un Aquaman post-New 52, à un moment où Aquaman avait perdu sa main, était beaucoup plus barbu, plus vieux, qu'à l'Aquaman qu'on présente maintenant, qui est plus, on va dire, gravure de mode, plus jeune. Maintenant, il faut voir comment ils vont l'arranger et quel Aquaman ils vont décider d'adapter aussi. Maintenant, je suis pas spécialement fan de l'acteur non plus, mais je demande qu'à voir le résultat, quoi. Ah, moi j'ai trouvé, bon l'acteur je le connais pas, mais j'ai trouvé que sa gueule, bon c'est sûr c'est pas très proche du personnage actuellement, mais bon après c'est, il a une bonne gueule de sauvage, hein. Moi je vais voir ce que ça vaut quoi. Il aime bien jouer dans des séries, des films. Un peu, il a joué dans Stargate Atlantis, il a joué dans. Alors, je l'avais vu 5 minutes sur Game of Thrones, et Ouais, Game of Thrones. le peu que j'ai vu c'était, ouais, il a une gueule quand même quoi. Il a joué dans Alerte à Malibu, c'est Ah important, merde, c'est ah nager. dommage. Non, Je savais c'est pas. clair qu'il a une bonne gueule, hein, puis enfin franchement, voilà, il fait bien. Dans un rôle de guerrier, ça va, mais en fait, c'est loin de la représentation que je me fais d'Aquaman, où je le vois plus comme un souverain un peu plus réfléchi. Là, j'ai peur que ça fasse trop de badasserie dans le film, quoi. D'accord. Le nouvel univers est badass, donc. Ouais, ça c'est clair, ouais, ça c'est le ton est donné. Et bon, on va passer à la suite du coup avec ça. Par contre, c'est officiel avec The Rock qui sera Black Adam. Alors, franchement, je suis très loin de l'univers de Shazam, mais je trouve qu'il a vraiment bien la gueule, quoi. Je trouve ça plutôt pas mal pour le rôle. J'aurais peut-être vu plus en Shazam, mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Moi, je trouve qu'il a justement bien la gueule de Black Adam. Enfin, en même temps, Black Adam et Shazam se ressemblent un peu, sauf que Black Adam est plus bronzé et il a les oreilles pointues. Enfin, partout. Dans le New 52, d'ailleurs, je me demande si Black Adam a toujours les oreilles pointues, j'ai pas fait attention. Je trouve que son visage faisait plus humain que dans le pré-New 52, pardon. Mais ouais, je le vois bien en Black Adam. Maintenant, avec un acteur comme ça, je me demande si Black Adam aura pas une plus grande place si le film marche dans l'univers cinématique DC. Plutôt que de le voir dans un film se faire dégommer, puis au revoir, bonsoir. Moi, j'ai pas trop d'avis, ouais. Je trouve qu'il a la même gueule que Black Adam. Et après, moi, Shazam, c'est pareil. Je suis vraiment de très très loin. Je connais vraiment très vite fait, quoi. Donc, bon, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, quoi. Il a la gueule, je trouve, pour jouer Black Adam. Mais après, le reste, on verra bien. Après, il y avait une polémique aussi, là, comme quoi, je sais pas si vous avez vu, là, sur Internet, là. Pas du tout. Je sais plus, il y avait des sites qui disaient comme quoi les films de DC, ils seraient pas marrants, pas fun, ou je sais pas quoi, là. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah Ah oui, oui, j'ai vu, ouais, je sais de quoi ouais. parler. En fait, c'est pas une polémique, hein. C'est un mec qui a sorti ça, je crois, de chez DC ou je sais pas quoi. Bon, c'est encore un truc à la con, moi, je pense. Et en fait, il disait que le film de Shazam, ce sera vraiment un ton différent des autres films actuels, quoi. Vraiment un ton différent des films de Marvel. Comme quoi, il ferait un film, enfin, moi, c'est mon interprétation, quoi. Plus familial, pas un truc aussi sombre que Man of Steel, quoi, vous voyez. Ouais, Vraiment un apparemment truc ils annoncent un différent, film quoi. plutôt fun. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, faut voir parce que je sais pas, j'ai toujours trouvé les personnages de DC un peu plus sombres aussi que par exemple chez Marvel. Faut que ça se prête mieux le côté fun au personnage de Marvel qu'au personnage de DC. Enfin, je vois moins par exemple Batman lâcher des feintes en plein combat, comme Tony Stark je le vois mieux quoi par exemple. Oui, mais là en fait le fait est que le personnage à la base là, Billy là, c'est un gamin quoi, donc je pense que c'est sur ça, je pense qu'ils vont essayer d'établir un autre créneau de film vraiment ouais, vraiment fun quoi, sans pour autant faire des trucs à la Marvel. Je pense que ce sera différent quoi, comme j'avais vu sur un, comme je disais sur le site de chez DC Planet là, que t'as des films de familiaux qui sont très bons quoi, tu regardes Hook ou des trucs comme ça, voilà, c'est des bons films en famille, c'est des bons films quoi. Puis même chez la concurrence, hein, Marvel avec les Gardiens de la Galaxie, elle a montré qu'on pouvait faire un film fun, bien décomplexé, et Ah, qui je l'ai passe pas vu plutôt ça. bien, hein, Je l'ai pas vu. franchement. Ah, je l'ai pas vu. Puis comme tu dis, Shazam, enfin voilà, c'est l'histoire d'un gamin, donc faut pas que ce soit, faut pas qu'il y ait la Nolan touch. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça dépend. Enfin, surtout, ça dépend comment est-ce qu'ils vont traiter le sujet, s'ils se concentrent sur Billy ou plus sur l'histoire de Shazam et Black Adam. Je vais dire, Black Adam, il a pas non plus une histoire de rigolo. Maintenant, c'est vrai que s'ils axent le film fort sur Billy Baxton Et Shazam en fond comme méchant, oui, c'est vrai que le ton, si c'est un ton trop sérieux, ça prendra pas. Parce que c'est vrai que Billy, il a quoi, 10 ans, 11 ans, je crois. Si tu le dis, je te crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, mais je connais pas son âge précis. Donc. Enfin, donc les 10 films là entre 2016 et 2020 là, Eh ben, on ça va vous avez. bouffer du super-héros, hein. Ben, moi ça m'a fait plaisir. J'ai hâte de voir c'est quoi les films, même si on se doute un peu de ce qui va sortir quoi. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait 2 films par an. C'est vrai que c'est une autre cadence quoi par rapport à l'heure actuelle. Bah entre Marvel et DC là, ouais, ça va faire un paquet de films de super-héros au cinéma. Après, ouais, ça me fait plaisir parce que bon, enfin, voir des comics adaptés au ciné, c'est toujours cool. Après, je sais que je préfère les avoir dans les mains quand même. Ouais, bien sûr, mais bon, après, c'est toujours un bon divertissement, quoi. Et puis après, les films d'essai, je pense que, comme on a pu dans Man of Steel, ce sera pas du tout le même ton, quoi. Donc, moi, je suis. Enfin, il y en aura beaucoup, il y en aura à la télé, il y en aura au cinéma, mais bon, moi, je suis quand même content, quoi. Parce que là, ouais, Man of Steel, il est sorti qu'en 2000, 2000, combien? 2011, 2012? Ouais, 2012. Bon, ben voilà, ça va faire 4 ans sans film. Bon, voilà, ça va repartir de plus belle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, quoi. Après, tu vois, moi, en fait, ma crainte, c'est parce que du coup, je suis aussi un lecteur Marvel, et par exemple, la sortie des films Marvel a beaucoup trop d'impact dans les comics. Ça a été le cas, j'ai trouvé avec The Superior Spider-Man, enfin, je vais éviter de trop spoiler, mais voilà quoi. Du coup, le fait qu'il y ait eu le film Amazing Spider-Man 2 au cinéma, bah, ça a eu pas mal d'influence dans le comics. Donc, j'espère juste que DC arrivera à bien dégager l'univers cinématographique du comics. C'est vrai que Marvel tombe un peu dans le. Pour faire le petit aparté, par exemple, Nick Fury de l'univers comics, je vais dire, c'était un mec, un blanc, avec des cheveux gris, et depuis que Avenger a fait fureur, lui il a carrément disparu de la carte, et c'est son fils qui est Black qui a pris le relais, puis ils ont intégré beaucoup de personnages Marvel qui viennent du film. C'est vrai que l'univers cinéma a une grande influence du côté Marvel sur les comics aussi, je trouve. Maintenant, j'espère que DC non plus va pas trop tomber là-dedans et vraiment séparer leurs deux univers. Mais bon, quand on voit par exemple déjà du côté de Green Arrow que deux personnages de la série TV ont intégré le comics, ça dépend ce que. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Ah, et À l'inverse Green aussi, on en reparlera après, Arrow, mais à l'inverse aussi, il y a des personnages du comics qui vont arriver dans la série télé, tu vois. ouais. Donc Mais ça, après, c'est, je veux dire, c'est plus normal parce que c'est plus une adaptation maintenant. Ça me dérange pas qu'on adapte aussi des trucs de la série TV dans le comics, mais ce qui me gêne un peu, c'est plus côté Marvel où ils imposent les choix du cinéma dans le comics, alors que dans le comics, ça faisait des années que c'était comme ça. oui, c'est clair, mais après c'est purement économique, hein, parce que tu regardes ce que ça rapporte au cinéma et ce que ça rapporte les comics, c'est incomparable. C'est sûr qu'il faut que le jeune qui aurait été voir le film Spider-Man ou le film Avenger, il faut qu'il se retrouve dans son comic shop, qu'il se dise, ah ben t'es sûr, je l'ai vu au cinéma. Et même sans parler de ça, parce que je pense qu'un jour ils vont se rendre compte que les gens qui vont au cinéma, ben, ils ont pas envie de lire un livre. Ah, Donc je c'est veux vrai dire, ça. un jour ou l'autre, ils vont sûrement arrêter, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le cinéma, il passera toujours avant le reste, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Les comics, ça leur apporte rien par rapport à un film. Hein. Quand tu regardes les Gardiens, 600 millions par exemple, tu regardes les comics sur un an, ça fait combien? Les comics, c'est dérisoire. Hein. Après, il faut voir s'ils vont continuer comme ça, mais c'est vrai que si c'est bien fait, moi, je suis pas contre, tu vois. Mais on en parlera après, ça, de toute façon, dans les trucs, dans les séries télé. Bon, ben voilà, bon, on va passer aux séries télé alors, les gars. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors bon, ben on va récapituler un peu tous les nouveaux personnages qui sont arrivés dans les futures séries ou dans les nouvelles saisons des séries déjà existantes. Alors on va commencer par Flash. Donc on nous annonce donc bon ben là c'est vraiment le tout le casting qui a été annoncé depuis l'été jusqu'à maintenant la mi-septembre. Donc on nous annonce Captain Cold, Plastic, Girder, Firestorm, le général et Heatwave. Bon, avant tout, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réussi à réunir les deux frères de Prison Break. Donc, il y a le Captain Cold, c'est Wentworth Miller, là, le beau gosse de Prison Break. Et Heatwave sera incarné donc par. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Dominique Dominic. Purcell. C'est ça, ouais. Le gros balèze, Les frères Scofield sont de là. retour. Ça, vous en pensez quoi? Ça peut le faire ou quoi? Ah, grave. Ah, franchement, je trouvais que la dynamique des deux dans la série Prison Break était plutôt intéressante, enfin, surtout sur les deux premières saisons. Et c'est des acteurs que j'aime bien, qui jouent plutôt pas mal. J'ai des bons souvenirs de John Doe aussi. C'était pas mirobolant, mais bon, c'était assez sympa à suivre au début. Ouais, Donc. ça, je connais pas ça. Moi, ça me va, franchement. Le casting de Flash, pour l'instant, rien à dire dessus. Après, il y a quand même des personnages obscurs. Moi, personnellement, Plastique, jamais vu. Bon, après, je lis pas des comics depuis 1939, hein, mais bon, Plastique, jamais vu. Je crois que Girder, je l'avais aperçu dans The Flash Iron 8. C'est un vieux numéro, je sais pas si vous l'avez lu. C'est un vieux numéro d'avant les New 52, là. Et il y a le Général. C'est pareil, le Général, vous avez déjà vu des trucs avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'adore Flash, mais je l'ai découvert peu avant le New 52, et je découvre Barry, on va dire, avec le New 52, donc la plupart de ses ennemis, à part les Rogues, je suis pas vraiment super calé, et Grodd, et Mega Flash. J'ai pas une grande connaissance de sa galerie d'ennemis. C'est ce qui me plaît aussi un peu dans la série, c'est un peu de découvrir tous ses ennemis que je n'ai pas forcément lu sur papier, quoi. Après, par contre, il y a Firestorm. Ça, par contre, moi, ça me fait flipper parce que, enfin, moi, c'est un des personnages qui m'intéresse le moins chez DC, quoi. C'est le dernier truc que j'ai lu sur lui, c'était dans Future's End. Et franchement, c'était vraiment pas terrible. Donc, ma foi, on verra, quoi. Ouais. Firestorm, il est joué par. Alors, attends, que je dise pas. Il est joué par un ancien acteur connu, non? Aucune idée, mais je sais, j'ai plus le nom en tête, mais certainement par un beau gosse musclé type Ouais, mais de toute CW. façon, c'est tous des beaux gosses. Ouais, c'est abusé. On va passer au casting d'Arrow. Ah, voilà, c'est ça, c'est Atom, je crois qu'il va être joué par Brandon Routh, là, l'ancien mec qui jouait Superman au C'est cinéma. ça, ouais, dans C'est vrai, Superman c'est ça. Returns. T'as le mec, la déchéance, quoi. De d'où il part et où il arrive. Ensuite, il y aura Wildcat, Manhunter, Commodo. Il y a un nouveau personnage, Cooper Seldon. Bon, vous aurez capté le délire avec Sheldon Big Bang Cooper. Theory. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça va être un geek qui sera l'ex-petit ami de Felicity. Ok, et il y aura un Chase, un DJ donc, qui devrait avoir une romance avec Théa, là, la sœur de Oliver Queen. Il y aura aussi Cupid, Katana, son mari, et Ra's al Ghul. Là, par contre, moi, le casting il me fait plus rêver que pour Flash quand même. Il y a énormément de gros personnages potentiels quand même. Bah déjà Ra's al Ghul. Ouais, bah, déjà, je pense que c'est le plus gros, quoi. Il y a ça, moi, ce qui me fait. Ce qui peut être bien, je pense, ça va être le Katana et son mari. Si de là ils partent avec Komodo, qui se rattrape de. Qui partent sur le run en cours, enfin, qui vient d'être terminé sur Green Arrow le comics, ça peut être assez énorme quand même. Une petite guerre des outsiders, là, ça passerait bien. Ouais, ça pourrait être assez énorme. Bon, après, voilà, le point un peu négatif, c'est les bonhommes là, qui vont. Donc l'ex-petit ami de Felicity, bon, moi je m'en bats un peu les couilles. La romance de Théa avec encore un autre beau gosse, ça c'est pareil, ça m'intéresse pas des masses. Il y a Cupid aussi, qui apparemment, je sais pas si vous connaissez le personnage, moi j'ai découvert là avant, je connaissais pas. Cupid, je le connais pas comme personnage. Bah, apparemment, c'est une femme qui va être assez collante avec Oliver Queen, je crois. Hein. J'avais lu un truc comme ça. T'as lu sur sa vie, ou pas du tout? Pas du tout, elle, j'ai pas du tout entendu parler. J'y suis les news qui sont publiées en VF sur les nouveaux persos, mais sinon, j'ai pas trop regardé les histoires extra qui vont se faire pour découvrir. Mais de toute façon, clairement, tout ce qui est, dès que je vois Love Story, je zappe un peu les news parce que je vais devoir déjà les subir en épisode, donc c'est assez. Ouais, enfin bon, des gros castings quand même pour les deux séries, et puis comme je vous disais, moi je m'attends quand même plus à, enfin, bon, Flash, moi je suis fan, donc ça va être bien, mais les personnages potentiels qu'il y aura dans Arrow, ça me donne quand même plus envie que les personnages de Flash, quoi. Ouais, bah, ils ont sorti l'artillerie lourde là, pour la saison 3. Puis ce qui va être intéressant, ça va être l'évolution d'Arsenal aussi, là, parce qu'on a commencé à avoir quelques photos en costume. Ouais, il est classe quand même, ouais. J'ai vu la photo, il est classe. Arsenal, il est bien classe, ça fait plaisir de le voir en costume. Mais j'espère qu'il va avoir une bonne dynamique et que ça va pas clasher, qu'on le voit au moins cette saison-ci, voire la saison suivante, minimum en duo, avant que, je veux dire, il y ait des soucis entre eux, quoi. Oui, s'il pouvait être un peu moins capricieuse que dans la saison 2, ce serait bien. Ouais, ça on va dire qu'il était sous l'emprise du Mirakuru. Ouais, mais là je pense qu'il est dans la saison 3, je pense qu'il aura passé un cap. Je pense que ce sera une nouvelle dynamique. Enfin, j'espère quoi. C'est parce que j'ai un peu peur, parce que sur une des images qu'on a vues, ils avaient l'air tous les deux encore occupés à discuter un peu en clash. Donc j'espère que ça va pas partir en clash à chaque fois qu'ils vont sortir, du genre je t'emmerde, je décide, non, c'est moi le chef, écoute-moi. Mais Ouais, j'utilise une vraie dynamique de duo, quoi. j'espère aussi qu'ils auront un peu plus d'argent pour les épisodes. Ce qui me fait peur sur Flash aussi. Parce que des fois, il y a des scènes de combat dans Arrow, c'est assez cheap. Donc là, j'espère qu'ils auront les moyens et que pour Flash, c'est pareil, qu'ils auront assez de thunes pour faire des effets spéciaux assez corrects, quoi. Sur l'épisode 1 en tout cas de Flash, je vais dire sur le pilote ils avaient pas lésiné sur les moyens. Maintenant faut voir, c'est vrai que sur la durée à mon avis on a des épisodes où ce sera peut-être un peu plus cheap que d'autres. On en reparlera de toute façon après dans les reviews des séries télé. Après sur Gotham, bon, Gotham j'ai suivi de loin, j'ai vu qu'il y avait Salvatore Maroni, donc un gros parrain de la mythologie de Batman, et Mister Freeze qui apparaîtront dans la série. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Moi, j'attends impatiemment cette série. Les 2-3 teasers que j'ai vus m'ont bien donné envie. Donc, du coup, j'évite de trop regarder les photos, les trucs. Ouais, tu fais Donc... comme moi, quoi. Ouais. Ouais. Je me la réserve là. Ça a l'air bien sympa, en tout cas. À part Selina Kyle qui m'enchante pas spécialement. Mais bon, le reste, elle m'a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte. Du même avis, moi ça me dit bien, à part Selina Kyle que je trouve déjà un peu exagéré son pré-costume qu'ils lui font, mais sinon ça me donne bien envie de regarder. Maintenant, la série, sur la première saison, ça ira, mais j'ai peur que sur la durée il y ait trop de problèmes, je vais dire, qu'ils introduisent trop de super-vilains à la longue alors que Batman n'est pas encore là. Maintenant, ça reste à voir, on en discutera, mais pour le moment ça me donne bien envie et j'ai hâte de la découvrir, pour voir, je vais dire, Gotham, mais sans le Chevalier Noir et plus basé sur la police, quoi. En tout cas, ils ont misé gros, hein, parce que j'ai vu que même Netflix, ils ont racheté les épisodes, là, je sais pas si vous avez vu, là. Ouais, Je j'ai vu sais que ça. quand ce sera fini d'être diffusé sur la Fox, ils passeront les épisodes, je crois qu'ils ont racheté chaque épisode plus d'1 million, donc ils pensent que la série va cartonner, quoi. Bon, en tout cas, elle a l'air partie pour, et puis ils ont fait, enfin mine de rien, le casting a l'air énorme, quoi. Gordon, l'acteur, a l'air génial. Pareil pour Oswald Cobblepot, là, donc ah, ça va être pas mal, hein. Mackenzie, je l'ai connu à l'époque, il y a longtemps, sur Newport Beach. Ouais, j'ai regardé cette série. Puis après, je l'ai connu dans une série de flics, mais j'ai oublié le nom, qui se passe dans Los Angeles, où il jouait un flic, mais un flic de base. Et j'aime bien l'acteur. Donc je pense qu'il ira bien dans le rôle de Gordon Jones. Et puis comme il a déjà fait une série de 4 saisons sur les flics, je pense que niveau jouer les flics, il est rodé. Donc toi, tu as suivi Newport Beach, et toi, Spectra, tu as suivi Alerta Malibu, c'est ça? Non, c'est Vinch qui a suivi aussi Alerte à Non, Malibu. j'ai pas suivi Alerta Malibu, j'ai regardé son CV. J'ai regardé ce qu'il avait fait comme film. D'accord, ouais. Tout ce qu'on dit, ouais, c'est ça. Mais on pourra parler des frères Scott un jour si vous voulez. Les frères Scott, putain. Mais... Ensuite, ben, on va finir par Constantine. Bon, ben, y a la meuf là dans le pilote qui est super relou. La bombe, elle, apparemment, elle bouge. Ce sera que dans le pilote, après ce sera une autre personne à la place. Et là, apparemment, donc, ils annoncent Papa Midnight et donc Jim Corrigan, le Spectre, pour la série en rôle régulier. Alors, moi, Constantine, je connais pas grand-chose, donc peut-être que vous connaissez plus que moi, les gars. Bah, alors moi j'ai au moins regardé le pilote. J'ai clairement détesté, quoi. Alors effectivement. D'accord, on en parlera après de la du. Ah oui, exact, autant pour moi. Après, ouais. Non, mais voilà, si pas tu connais les personnages qui sont annoncés ou pas du tout. Ouais, Je connais au moins le spectre, vaguement. voilà, le spectre. Ouais. Ça, c'est le seul truc que je Fait connais pas mal. Hein. quelques apparitions remarquées dans l'univers comics, mais après le reste, non, franchement. Apparemment, la femme là, du pilote qui a été bougée, là, elle sera remplacée par Zed, qui est une ancienne copine devenue sorcière. Et apparemment, Papa Midnight est une sorte de sorcier mortel. Mais bon, moi, j'ai peu de connaissances dans cet univers, donc je vais pas trop dire de conneries, quoi. Ouais, vous avez autre chose à rajouter ou on passe aux news comics? Eh ben, on peut passer aux news comics. Bah alors, il y a eu 7 séries qui ont été annoncées là. Donc, bon, beaucoup de Batman, donc je vais les citer, hein. On va pas citer les scénaristes et les auteurs, sinon il y en a pour une journée, mais on va citer les noms des séries. Donc il y aura Arkham Manor, Gotham Academy, Gotham by Midnight, Clarion, Lobo, Deathstroke et Trinity of Sin. Alors bon, donc 3 séries Batman, donc certains diront que ça fait beaucoup, mais bon, elles viennent pallier l'annulation de certaines séries, quoi, notamment je crois que Batwing s'arrête. Batwing s'arrête, ouais, il y a The Dark Knight qui s'est arrêté aussi. Voilà, donc ça vient, on va dire, un peu remplacer. Alors, Arkham Manor, le pitch, pour pas spoiler les lecteurs VF, c'est que, quoi que, ouais, même le pitch, il est spoilant, quoi. Bah écoutez, si vous écoutez, arrêtez-vous d'écouter 10 secondes, quoi. Arkham Manor, en fait, donc ça va partir de Batman Eternal, et tous les criminels seront enfermés dans la maison de Bruce, en fait. C'est le pitch. Voilà, vous pourrez écouter. Ensuite, il y a Gotham Academy. Donc là, le pitch, c'est des enfants qui sont à l'école de Gotham. Vous avez lu plus de détails là-dessus ou pas? Sur Gotham Academy? Pas du tout, cette série, elle me... je t'avouerai qu'elle me branche pas des masses pour le moment, donc j'attends de voir. Par contre, les dessins sont vraiment très très jolis, quoi. En fait, ouais, ils veulent. C'est un autre ton, quoi. Apparemment, ce sera beaucoup plus teenager, ambiance, ils disaient un peu à la Harry Potter, quoi. Avec donc deux enfants, et puis il va leur arriver des trucs au sein de leur faculté ou de leur lycée. Mais apparemment, ouais, ils misent sur un truc beaucoup moins sombre que sur les séries Batman habituelles, quoi. Vinch, toi, t'en penses quoi de cette série? Moi, j'ai regardé de loin parce que la série m'attire un peu. En fait, ça dépend vraiment de comment ce sera fait. En fait, si c'est trop enfantin ou trop, je vais dire, enfin, je sais pas comment exprimer le mot, mais en fait, en gros, si c'est trop léger, je vais dire le scénario, que ça tourne en rond, que c'est des petites histoires sans grand intérêt, ça, pour moi, ça aura pas vraiment d'intérêt. Je vais dire, si c'est quelque chose de plus profond, si on s'intéresse vraiment, je veux dire, à des jeunes qui ont dans leur vie, qui ont leurs enquêtes, etc., et qui a un fond intéressant, ben, ça peut être pas mal. Maintenant, faut voir vraiment comment est-ce qu'ils vont l'adapter, mais le pitch de base m'intéresse. Maintenant, je verrai après 3-4 numéros pour me faire vraiment un avis de comment est-ce qu'ils vont développer ça, quoi. Mais apparemment, ça va être le ton sera différent des séries Batman habituelles, mais ça sera quand même bien ancré dans la mythologie, quoi. En même temps, je me doute bien que ce sera pas non plus trop dark parce que c'est des gosses, mais je vais dire, j'aimerais quand même bien qu'il y ait un lien, on va dire, avec Gotham et que ce soit pas des enfants qui vont à l'école, quoi. Voilà, j'avais lu, à part, il y a quand même un lien, ils disent, hein. Ensuite, comme Je série, voulais donc, ju juste dire vas-y, vas-y. pour Gotham Academy, en tout cas, je pense que je vais quand même regarder un petit peu, voir ce que ça donne, mais en tout cas, je salue l'initiative de DC Comics, à qui on reproche de faire peu de séries originales comme ça, donc c'est plutôt pas mal qu'ils en intègrent, surtout dans la Bat-Family, ce qui est quand même pas l'univers le plus évident, je trouve. Je pense qu'ils ont voulu faire, parce que quand ils font des séries originales, ben, ça marche pas, les gens ils achètent que du Batman, alors ils ont essayé de la jouer finement en proposant un truc différent tout en restant dans la licence Batman pour attirer les gens, quoi. Donc après, voir si. Moi, je pense que ça devrait marcher dans tous les cas. Et après, il y a Gotham by Midnight, donc ça c'est une série beaucoup plus sombre. Donc ça parlera d'une brigade menée par James Corrigan, donc encore une fois le futur Spectre. Qui s'occupera donc de toutes sortes de menaces surnaturelles ou classiques, et apparemment ce serait bien bien bien gore, quoi. Notamment les dessins, ce sera Ben Temple Smith. Je sais pas si vous connaissez cet auteur. Ouais, c'est oui. Et apparemment lui, pour tout ce qui est dégueulasse, il est assez bon, quoi. Moi j'ai jamais rien lu de lui, donc si vous connaissez, je vous écoute. Bah non, j'en ai pas entendu plus que toi, mais voilà, apparemment, effectivement, ça a l'air ça s'annonce assez dégueulasse. Après moi voilà, tous les éléments un peu surnaturels, c'est pas forcément ce qui me botte le plus dans l'univers de Batman. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser de ça. Comme toi, moi, les trucs, on en reparlera plus tard. Après, il y a des séries comme Clarion, Lobo, Deathstroke, Trinity of Sin. Ouais, Clarion, apparemment, c'est un vieux personnage, je ne connaissais pas. Ouais, Lobo, je connais, Deathstroke aussi, Trinity of Sin. Bon, après, c'est pas des séries qui me donnent plus envie que ça, quoi. Je veux dire, peut-être j'achèterai les premiers numéros pour me faire une idée, mais après, moi, je pense que c'est des séries qui sont vouées à l'échec, encore une fois, quoi. Alors Lobo, je pense que je vais me pencher dessus du coup parce que c'est Cullen Bunn qui va l'écrire. Apparemment, ce qu'il fait sur Sinestro, c'est plutôt pas mal, et ce qu'il fait chez Marvel sur Magneto, ça Magneto, déchire. Donc apparemment, cet auteur-là, il donne plutôt le meilleur de lui-même en ce moment. Donc Lobo, ouais, je pense que je vais me la tenter. moi j'aurais eu envie de lire Deathstroke parce que les dessins c'est Tony Daniel, mais apparemment le scénario ça va être lui aussi. Ouais, Et c'est... apparemment ce qu'il a fait sur Détective Comics, je crois, C'est une purge. ouais, il paraît. Ouais. Moi je lis pas beaucoup de titres Batman, donc j'ai pas lu, mais. Et après il y a Trinity of Sin, donc vu qu'ils ont annulé Pandora et que Phantom Stranger s'est annulé aussi là, je crois que c'est le dernier numéro ce mois-ci, là, au mois de septembre. Donc du coup ils les réunissent avec The Question dans un titre. Vous pensez vous y mettre à cette série? Absolument pas. En tout cas, j'espère que ça réussira à Pandora. Personnellement, je compte pas la commencer non plus maintenant. J'espère que ça va continuer. Si elle passe en VF, je lirai sûrement, mais sinon en VO, je pense pas m'y mettre non plus. Ouais, tu la verras jamais en VF, hein. À moins si c'est taillé un truc, mais sinon il la publieront jamais, je pense. Ça m'étonnerait. Je pense, hein. Après, ouais. Après, il y a le dans les news, dans les news, il y a eu le changement d'équipe créative, donc comme on disait sur Green Arrow, donc Kreisberg et Sokolowski, qui sont producteurs exécutifs et scénaristes de la série TV Arrow, qui vont remplacer donc Lemire et Sorrentino. Donc il y a eu beaucoup de monde qui a eu peur. Qu'est-ce que vous avez, de quel côté vous êtes rassuré ou vous avez plutôt peur pour la suite? Alors du coup, j'en avais, on va dire que ça m'en touchait une sans bouger l'autre à la base parce que je suivais pas spécialement Green Arrow. Et là, j'ai commencé le run de l'émir et effectivement, ça peut faire un peu peur, peur qu'ils injectent en tout cas le côté CW dans le comics. Le comics, il est excellent, quoi. Après, oui, moi, je pense pas qu'il y ait cette touche-là dans le comics. Ça m'étonnerait, quoi. Comme disait un super édito qu'il a fait, comment il s'appelle? Je crois que c'est Arnotiku, quoi, sur le site DC Planète, là. Il y a déjà un comics numérique qui suit la série télé, donc je vois pas l'intérêt qu'il refasse la même chose encore une fois dans le comics, quoi. Je pensais plus à... Ça peut être pas mal, ils peuvent échanger des personnages, comme on a vu, donc Komodo du comics qui arrive dans la série télé, ou Felicity de la série télé qui arrive dans le comics. Mais ça peut être bon, parce qu'apparemment Felicity aura un costume dans le comics, donc moi j'ai pas de crainte particulière, hein, même si apparemment, en tant qu'écrivain, Kreisberg, sur son ancien run qu'il avait fait sur Green Arrow, Black Canary, c'était pas terrible. Moi j'attends de voir pour me faire une idée vraiment, quoi. Oui, et puis voilà aussi, à contrario, effectivement, ça peut être rassurant. Ils peuvent injecter ce qu'il y a de mieux dans la série, dans le comics. Donc bon, à voir. Mais c'est vrai que ce qui m'inquiète, ouais, c'est plus que ce qu'avait écrit Kreisberg n'était pas bien trépidant dans Green Arrow. Mais bon, à voir, Bah, de hein. toute façon, je pense que là, sur Green Arrow, moi j'ai lu que ça, et puis je commence à lire des anciens trucs, mais peut-être que là, ce qu'ils ont fait sur Green Arrow, c'est peut-être le meilleur run de tous les temps, quoi. Donc forcément, après, on sera déçu derrière, quoi. Ah, j'ai l'impression, ouais. Toi, tu l'as pas lu encore, Green Arrow, Vinch? Seulement en VF et dans Justice League Saga, donc Ah, bah ça monte en tension, c'est de mieux en mieux. Hein. ouais, j'adore le travail qu'il fait Lemire dessus, j'adore les dessins. Maintenant, ouais, c'est vrai que le changement d'équipe créative, quand j'ai vu que ça changeait, ça m'a un peu fait peur, parce que vraiment, tellement je trouve que la série actuelle est excellente, bah, je me doute que, enfin, j'ai peur que ça redescende un peu. Puis on change de dessinateur, donc ce sera plus pareil. Maintenant, Et j'espère puis, que le niveau restera ce niveau même, quoi. le niveau, ce sera différent. J'ai vu les premiers dessins, ce sera vraiment type comics, hein, pas comme le style de Sorrentino. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils partent si vite, parce qu'avec tous les concepts qu'ils ont amenés, ils auraient pu rester encore un moment dessus, quoi. C'est vrai que je trouve que le run n'a pas duré longtemps, surtout que vu la qualité, quoi, c'est pas comme si le truc était boudé ou quoi, les gens adorent, donc je trouve que c'est dommage qu'ils quittent si rapidement la série. C'est ce qui Bah, en fera surtout un que run de légende. le potentiel qu'ils ont amené, je veux dire, c'est peut-être équivalent à ce qu'il a amené Geoff Johns, qui est resté 10 ans sur Green Lantern, quoi, avec tous les trucs de les outsiders, les différents clans, là, il y avait moyen de faire des histoires pour encore 10 ans, quoi. Bon, peut-être pas 10 ans pour eux, mais bon, ils quittent quand même, je trouve, super vite, quoi. C'est assez prématuré, je trouve. Enfin bon, Green Arrow est un personnage qui est plutôt populaire maintenant, donc je pense que ils le laisseront pas, ils le mettront pas en difficulté avec des équipes créatives un peu. En tout cas, j'espère qu'ils repartiront sur la mythologie nouvellement créée, là, sur les outsiders, vraiment sur les clans qui partent sur ça, quoi. Qui repartent pas sur un truc, un schéma classique, super vilain, hop, il est mort à nouveau, ainsi de suite, quoi. Là, vraiment, là, ce qu'ils ont amené, c'est vraiment énorme, quoi. Je sais pas où vous en êtes dans la série, mais... Bah, j'ai juste fait le tome 1 de Urban là pour l'instant. Bah, vous verrez, il a inventé plein de trucs pour la série qu'il n'y avait pas avant. Et vous verrez, honnêtement, c'est super riche, hein. Il y a vraiment le potentiel d'écrire sur ça pendant un moment, quoi. Enfin bon, on verra. Je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, plus les épisodes passent, et plus c'est de plus en plus intense, quoi. Enfin, bah, pour les news, bon, bah, ça c'est la news pour moi limite du mois, quoi. C'est l'arrivée de Jason Fabok sur Justice League au numéro 36 en novembre. Oh Alors oui. ça c'est énorme quand même. Ouais, ça va être assez monumental, quoi. Bah, Fabok, déjà sur Detective Comics, ça fait. T'es irréprochable au niveau du dessin. C'est du Finch, mais puissance 1000, je trouve. Ses visages sont largement mieux réussis. Puis, ouais, le voir sur Justice League, ben, énorme. Moi, En ça me plus, va. il est jamais en retard. Moi, je l'ai découvert sur Batman Eternal, je connaissais pas avant. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant quand même. C'est vraiment magnifique, quoi. Et ce mec était né pour dessiner Batman, hein, de toute manière. Je pense qu'ils ont voulu le retenir parce qu'il y a tout le monde qui se barre en ce moment, là. Sorrentino, il s'est barré. L'émir, il est en train de se barrer parce que quand tu regardes, il n'a plus de série chez DC à part Justice League United. Il n'a plus grand-chose. Donc je pense que les grands talents qu'il leur reste, ils essaient de les faire rester, quoi. Bah pourvu que ça dure pour Fabok. Ouais, c'est clair. Bon, après, une fois qu'il a fait ça, je sais pas ce qu'il va faire de mieux parce que Justice League, c'est peut-être le titre porte-étendard, quoi. Donc je vois pas ce qu'il pourra faire plus haut. Et en revanche, ce qu'il a à craindre, c'est que Ivan Reis, je sais pas ce qu'il va faire derrière, quoi. Il y a un nouveau projet qui est annoncé, ou il va aller chez Marvel, ou il va faire quoi, vous savez? Pour Ivan Reis, j'en sais rien du tout. Il est sur Multiversity pour l'instant, ça a l'air de bien l'occuper, mais. Non, il a fait que le 1, c'est. Il fait que le 1, je crois. Après, c'est d'autres auteurs. Bah du coup, non. Ouais, il a fait que ça, et je sais pas, j'avais vu qu'il était sur un autre projet, mais il n'y a rien d'officiel encore, alors j'espère qu'il va pas se barrer lui aussi, quoi. Parce que lui, c'est pareil, son design, enfin, il est monstrueux sur Justice League. Ouais. Oui, Là, bah. tu compares avec Doug Mankey, moi j'ai lu le 33, là, putain, c'est dégueulasse, quoi. C'est Ah, vraiment les dégueulasse, visages, quoi. ouais, sont ignobles. Hein. Ah, mais tout est. Wonder Woman, on dirait, c'est une transsexuelle. Tout est. Vraiment, les dessins, tout est dégueulasse, franchement. Le 33, il est horrible, le dessin. Ouais, c'était C'est moche. horrible. Ouais, vous avez autre chose à rajouter ou on passe au review? On passe au review. On peut passer au review. Bah, je te laisse commencer alors, Spectra sur Eternal. Alors ouais, bah du coup, Batman Eternal, on en est au numéro 22 là. Enfin, pour ma part, j'en suis au numéro 22. Spoil pas, hein, dis le pitch, mais sans spoiler pour Alors c'est-à-dire que même faire le pitch du numéro 1, ça spoil à fond. Ouais, mais la première image, c'est pas vraiment du spoil parce que je sais pas, c'est la première page quand tu ouvres le comics, donc ça, je pense que tu peux le dire quand Eh ben, quand tu ouvres la première page du comics, tu vois donc Bruce Wayne, enfin Batman, là, Ça sans spoil. cape, sans rien, torse poil, accroché à son bat projecteur, Gotham en flammes. Et avec certainement un de ses plus grands ennemis en train de lui dire qu'il a perdu. Donc voilà, c'est juste ça déjà, je pense que ça doit vous donner envie quand même, pour ceux qui ne la lisent pas. Après, c'est dommage, hein, le schéma c'est toujours le même. Hein. On te montre un bout de la fin pour te donner envie et après on repart en arrière. Ça commence à être Snyder, relou, quoi. il aime bien faire ça, il aime bien teaser avec des trucs qui montrent la fin de son histoire. C'est vrai que c'est bien parce que ça donne envie. En même temps, c'est chiant parce que t'as moins d'effet de surprise pour, je veux dire, pour le final, quoi. Tu sais que ça va finir comme ça. Maintenant, t'es plus Snyder, il travaille plus sur l'envie de découverte, je crois, et le fil de son intrigue que sur l'effet de surprise. Ouais, il travaillait, même il travaillait sur ses fins, c'est pareil, hein. Moi j'ai lu la fin de Death of the Family, bon c'est pas terrible quoi, comparé à tout ce qu'il t'annonce, tu finis sur ça. Ouais, lui, il est mieux, je trouve, sur la longueur, parce que le final, souvent, c'est pas non plus. Je trouve toujours ses fins un peu décevantes ou vite expédiées comparées à la longueur de son histoire. Un peu comme Geoff Johns quoi, les fin de run qu'il fait maintenant, enfin. Il met un tas de trucs, tu prends le run d'Aquaman, là, il y avait l'avant-dernier numéro, il y avait encore plein de trucs en jeu, et le dernier numéro, il torche tout en 5 minutes. C'est un peu dommage, quoi. Bah là, Snyder, ouais, il a du mal à terminer ses histoires. Il apporte des éléments qui sont pourtant intéressants, mais il en fait rien après. Donc là, j'ai terminé Death of the Family. La fin était décevante. J'ai terminé Zero Year. Enfin, j'ai été très déçu par la fin. J'ai pas fait ça, moi j'ai arrêté Batman. Mais donc en fait ouais, donc Batman Eternal, donc en fait c'est un titre hebdo, on en parle dans les reviews cette fois-ci, les prochains numéros, on chroniquera des numéros en particulier, là on parle de ça parce que c'est un feuilleton, c'est qui dit feuilleton dit été, feuilleton de l'été, donc on parle de ça et de Future's End. Mais bon voilà, c'est hebdomadaire, le rythme il est assez soutenu quand même. Ouais, Chaque ouais, semaine, ça prend pas son temps quoi, ça envoie du lourd toutes les semaines quand même. c'est ça. Alors, on a une petite baisse de régime là, à un moment où il se lançait dans des intrigues un peu plus surnaturelles. Il y a énormément d'intrigues en fait dans Ouais, Eternal. Il y a ça va. énormément Ouais. Avec d'éléments, Batwing, là. énormément de personnages, des réintroductions de personnages. Donc, il y a un petit moment, c'est un peu mou. Et là, les derniers numéros, ça a clairement repris en intensité. Et puis voilà, on revoit quelques personnes. Et moi, j'étais en ébullition devant le comics. Quoi. Franchement, c'est Moi, je suis au 22, vraiment je la suis au BO que je niveau. regrette pas, quoi. Je suis au niveau numéro 22 aussi, et moi, pareil, jusqu'à maintenant, tout est bon. Le seul truc qui m'a vraiment fait chier, c'est la partie avec Batwing, quoi. Ça, j'ai Ouais. trouvé ça vraiment mauvais, quoi. C'est là où tu parles de surnaturel, non? C'est par rapport à ça, non? C'est ça, ouais. Voilà, c'était les dessins en plus Nguyen, je sais qu'il y a tout le monde qui adore, mais moi c'est vraiment pas mon délire quoi. J'ai vraiment du mal avec son style. Moi j'aime bien Nguyen. Après, il s'applique pas forcément. Là, j'ai vu la preview du dernier numéro et j'ai trouvé, pour une fois, j'ai trouvé ça dégueulasse, alors que c'est un dessinateur que j'aime bien. Mais... Cette série, c'est pas basé sur Batman, c'est plus sur la Bat Family, et donc en fait chaque numéro est centré sur un petit groupe de personnages, et on voit donc les personnages évoluer comme ça au fil des numéros, et chaque personnage, on va dire, ou chaque groupe de personnages a son intrigue, et en fait toutes les intrigues en quelque sorte sont un peu sont toutes réunies quoi. Ouais, elles sont On a plus ou donc moins imbriquées. C'est vrai qu'il y a très peu de Batman finalement là-dedans et c'est pas plus mal. Et par contre, je trouve que la série rend vraiment ses lettres de noblesse à des personnages comme Red Hood et même Tim Drake qui me gonflait un petit peu depuis les New 52. Là, franchement, je trouve que ces persos, là, ils retrouvent une certaine prestance. L'intrigue avec D'accord. Red Hood et Batgirl m'a vraiment. Et Batwoman, du coup, enfin, cette team-là m'a vraiment, vraiment séduit, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était des bons épisodes sur ouais, après, pareil, il y a des personnages mis au premier plan comme James Gordon. Donc, ça, c'est pareil, c'est bon aussi. Après, ils réintroduisent, comme tu disais, des anciens personnages que moi j'ai découverts ou qui étaient vraiment pas très connus, quoi. Les derniers personnages qu'il y a dans le 22, c'est pas des personnages ultra connus quand même. Ouais, mais alors ça fait plaisir de les voir ici. Ouais, ça change un peu des vilains habituels, quoi. C'est toujours bon, quoi. Mais après, donc, on va parler de Future's End. Donc, Future's End, c'est pareil, c'est une série hebdomadaire, mais c'est un peu différent de Batman Eternal. Donc, je vais vous raconter le pitch, sans spoiler, hein, c'est vraiment le tout premier épisode, quoi. Donc, en fait, on est donc 35 ans dans le futur, et donc, il y a des espèces de robots qui sont en train de tout défoncer, quoi. Et du coup, pour pallier à ça, là, Batman décide d'envoyer donc comment il s'appelle le Batman de Batman Beyond, là. Le Batman Beyond en fait, qui est donc à ce moment-là introduit dans la série, alors qu'avant il n'était pas vraiment inclus dans les New 52, quoi, il décide de l'envoyer dans le passé pour sauver la situation. Et donc en fait le problème, bon, je vous dirai pas pourquoi, mais le problème c'est que donc Batman le renvoie, donc il veut le renvoyer 35 ans dans le passé, mais il y a un souci, et il arrive que 30 ans dans le passé, donc 5 ans dans notre futur. D'où le 5 years later. Et à partir de là, donc, il va essayer de trouver une solution donc pour sauver tout le monde et que la Terre ne devienne pas ce qu'elle sera dans 35 ans. Là, c'est différent comparé à Batman Eternal, parce qu'en fait, chaque numéro, il y a pareil plusieurs groupes de personnages, mais chaque numéro, il est coupé à chaque fois en trois ou quatre intrigues, et on suit donc sur un numéro plusieurs personnages avec plusieurs histoires différentes. Les personnages, c'est des personnages, une bonne partie, ils avaient des séries avant, mais ils ont tout été annulés. Donc ça permet de remettre au premier plan des personnages comme Frankenstein, que bon, moi j'ai jamais rien lu de lui, hein, c'est pas un personnage qui m'a attiré ou quoi. On a un groupe sur lui, on a une intrigue sur Grifter, donc Grifter de la maison Wally Storm qui appartient au Good Cats. Pareil, il avait une série à la New 52, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, et après, donc on va suivre également donc Batman Beyond dans sa mission. Et on va suivre donc, voilà, il y a pas mal d'équipes, pas mal de personnages. Et donc la série, elle a été assez critiquée parce que, en fait, on voit toutes les intrigues évoluer. Mais en fait, il y a, sur les 10, 15 premiers numéros, il n'y a pas vraiment de regroupement. Donc on se demande où est-ce qu'ils veulent nous amener, quoi. Donc au début, le premier numéro, c'est ultra violent. Et après, ça se calme. Ça devient, on va dire, un peu plus fun, un peu moins noir, quoi. Et le rythme se ralentit. Mais moi, j'aime bien quand même parce que ça permet de voir un grand nombre de personnages d'ici interagir. Généralement, quand il y a beaucoup de personnages, c'est plus dans les crossovers où ils se mettent sur la gueule. Là, pour une fois, non, c'est différent. On les voit discuter. Enfin, voilà, c'est vraiment des relations différentes. Ce qui est bon aussi, c'est que vu qu'on est dans le futur, ben, ils se sont fait plaisir. Il y a un peu des changements de costumes, tout ça. Donc, c'est intéressant. Il faut s'accrocher sur les 10. Allez, les 10 premiers numéros, mais après, je vous garantis que ça décolle et les intrigues se recoupent et ça augure du meilleur pour la suite, quoi. En plus, il y a le lien avec la future série qui va sortir là au mois d'octobre, World's End, qui sera également une hebdo. Et je pense que ça peut, quand tout sera lu ensemble, je pense que ça peut être assez énorme, quoi. Vous en avez lu un ou deux, les gars, ou pas du tout? Moi j'ai rien lu du tout, mais du coup là tu m'as bien donné envie de m'y mettre, mais je pense que je vais me prendre les TPB de Future Ends. Chez Urban, je pense, parce que c'est quand même en VO, et des fois ça tchatche beaucoup. Et c'est compliqué à tout suivre des fois. Donc D'accord. les deux premiers. Le premier m'avait bien emballé, le deuxième un peu moins. Et puis justement en VO, des fois ça a un peu prise de tête, je veux dire, et comme Urban semble vouloir les sortir en librairie en plus, ce que je trouve préférable pour une série comme ça, bah, je me suis dit que j'allais attendre, parce que justement je pense que des séries hebdo c'est mieux quand t'as quelques numéros d'affilée pour vraiment pouvoir te mettre dedans et soutenir le rythme plutôt que lire un chaque semaine, je vais dire pour nous c'est un peu plus compliqué je trouve. En fait, si tu lis Batman Eternal un par semaine, ça suffit. Mais c'est vrai que si tu lis un Future Zen par semaine, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est vrai que Future Zen, je pense que c'est pas mal en single, mais en TPB, ce sera beaucoup mieux, quoi. Du moins pour les 10 premiers. Après, je vous garantis que le rythme il s'accélère et que c'est vraiment de mieux en mieux, quoi. Mais ouais, comme tu dis, apparemment ils vont sortir ça en TPB chez Urban, et puis ils vont sortir également Batman Eternal, je crois, en TPB. Sûrement, enfin, pour moi c'est la meilleure possibilité. Maintenant, faut voir comment est-ce qu'ils veulent le faire, mais je Ah, pense mais que c'est c'est ce qu'il y a de plus. je pense que c'est ce que j'avais lu, ouais. Il me semble Ouais, qu'ils vont faire ça. pour le moment, c'est ce qu'ils ont dans l'idée. Je pense que c'est la meilleure solution plutôt que se casser la tête à les mettre dans des kiosques, à mettre la moitié, et puis faudra attendre, etc. Comme c'est de l'hebdomadaire, il faut quand même soutenir le rythme de 4 par mois, et ça me semble un peu chaud pour rester sur des kiosques à moins de prendre un retard considérable. Je pense que ça accrochera mieux les lecteurs d'avoir une grosse partie de l'histoire d'un coup, puis attendre un mois ou 2, 3 mois, puis avoir une grosse partie de l'histoire. Puis c'est du Batman aussi, donc ça va se vendre. Et l'autre, Future Ends, s'ils le vendent bien, c'est quand même une histoire qui touche un peu tout l'univers d'ici, donc je pense que ça se vendra aussi, et que les gens aimeront bien, quoi. Enfin, moi je conseille quand même les deux. Future Zen c'est bien, mais Eternal c'est vraiment excellent. Moi en plus c'est la seule série Batman que je suis, tout le reste. J'ai commencé mais j'ai vite arrêté. Mais ouais, c'est vraiment des bonnes séries, quoi. Malgré ce qu'en disent certains, c'est des bonnes séries. Bah Eternal, en plus, tu peux la suivre. Voilà, tu peux la suivre sans suivre Batman, sans suivre Detective Comics. Bah, de toute façon, je veux dire, Batman, à part dans Batman, il y a tout ce qui se passe à côté, c'est entre parenthèses, quoi. L'évolution est dans le titre Batman, quoi. Il y a rien de Détective Comics qui va être repris dans Batman, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'un mec qui se déchire quand même à conserver un peu tout ce qui se fait dans toutes les séries, c'est quand même Thomasy sur Batman et Robin. Voilà, Batman et Qui, Robin, ouais. lui, au niveau du Ouais, respect de la continuité, des événements, est franchement irréprochable, quoi. voilà, bah les deux séries où il se passe des trucs qui servent vraiment, c'est Batman et Robin et Batman. Tout le reste à côté, c'est juste du fan service, quoi. Il n'y a rien de vraiment de. Il se passe rien qui va durer dans la continuité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah même Batman, des Non. fois, je doute un peu de la pertinence des éléments apportés, sur leur utilité, mais. Ça dépend. Ouais, à part le Detective Comics 1 qui utilisait déjà le Death of the Family, mais bon, ça, je pense que c'est Snyder qui avait fait la demande. Ouais, je Ouais, mais pense. je veux dire, quand le Joker va revenir, il va pas revenir sur Detective Comics, il reviendra sur Batman, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je veux dire, je trouvais ça bizarre au début qu'ils aient fait son teasing sur Detective Comics 1, donc son évasion, le fait qu'il perdait son visage, etc. C'était dans l'épisode 1 et 2, avec le taxidermiste, enfin, c'était en lien avec le personnage, je veux dire, mais après, ils l'ont laissé en plan, puis on l'a revu dans un backup de Batman, je crois. Et puis voilà, tout ça c'était pour teaser Dead of the Family. Maintenant, c'est vrai que souvent il n'y a pas trop de connexion entre les éléments. Et des fois, je trouve que justement, ils devraient le faire parce que j'avais lu sur le forum quelqu'un qui faisait la remarque. Bah, Bruce Wayne, en fait, à un moment dans 5 séries, il avait 5 copines différentes. Il allait au bout du monde en même temps. Mais si les séries doivent avoir un lien, le mec, je dirais quand même une vie de fou, quoi. Comment est-ce qu'il arrive à gérer? Il a du mal à gérer une meuf, mais dans une série, mais en fait il en a 5, il voyage au quitte quoi du monde, mais c'est censé se passer au même moment, donc c'est bizarre niveau cohérence. C'est un gros Après, que c'est parce tard, qu'il y hein. a, il y a trop de séries, c'est pour ça qu'il y a trop de séries, quoi. S'il en avait 2 ou 3, ce serait bon, mais là il y a beaucoup trop de séries, quoi. Sur Superman, il y a une certaine cohérence entre Action Comics, pas Superman, parce que c'est encore autre chose, c'est Geoff Johns, mais tu suis Doomed, donc le crossover là, entre les titres Superman, hormis Superman, il y a une cohérence, quoi. Mais Batman, il y a trop de titres, et du coup, pour tout garder cohérent, c'est pratiquement impossible, quoi. Je trouve ça un peu dommage, c'est comme si dans Superman Wonder Woman il se tapait Wonder Woman, dans Superman il se retapait Lois, quoi. Les gens seraient. Enfin, pour quelqu'un qui a l'habitude de jongler avec les comics, ça va, mais je veux dire, la personne, on va dire, neuf, qui va ouvrir son Batman et qui va le voir à cet endroit-là avec cette fille-là, puis dans The Dark Knight, il va le voir à un autre endroit avec une autre fille, alors que ça se passe plus ou moins au même moment, il va se poser des questions, quoi. Et Ouais, c'est ça, ça. question cohérence éditoriale dans Batman, j'ai l'impression que comme c'est du Batman, il se tracasse pas trop, quoi. Alors, en sachant que ça s'améliore un petit peu là, avec la nouvelle équipe qui assure Detective Comics, voilà, c'est un peu moins épars. Batman, il est, voilà, il est un peu moins cutard. Il est, ils ont ramené un semblant de cohérence quand même. Manapul et Buccellato, là, c'est ça? De quoi? Les auteurs, c'est Manapul et Buccellato, là, les anciens qui étaient sur Flash, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ça, c'est terrible ce qu'ils ont fait aussi. Ouais, Enfin, ça, c'est j'adore ces moche. deux auteurs. Puis j'ai hâte de les lire sur Detective Comics, quoi. Moi, je les aime bien, mais après, moi, j'ai adoré Flash, tout ce qu'ils ont fait, mais bon, après, c'est pas vraiment des scénaristes, quoi. Au niveau de l'histoire, Flash, ça a été bien, mais c'était pas non plus complètement énorme, quoi, au niveau de l'histoire. Moi, perso, j'ai adoré. Enfin, vous dire que j'ai jamais lu de Barry avant, donc pour moi, c'était une découverte du personnage. J'aime vraiment bien ce qu'ils font. Puis, je trouve qu'ils ont de la suite dans les idées, parce que par exemple, dans le Zero Year de ce mois-ci, ben, ils ont déjà mis en place leur futur électrique qu'ils vont faire Ah ouais, sur la dans drogue là. Detective Comics. Je trouve ça pas mal. Maintenant, ça me donne Ouais. encore plus envie de les voir sur Detective Comics. Maintenant, ils font peut-être pas de réelle révolution, mais je trouve que leurs histoires sont intéressantes, les Là, dessins tu sont. verras le run là, de Brett Booth et Venditti là. Les dessins, c'est pas pareil. C'est le. T'aimes ou pas Brett Booth. Bon, forcément, c'est toujours moins bien que Manapul quoi. Mais tu verras au niveau de l'histoire. Je préfère les histoires qu'il y a maintenant que les histoires qu'il y avait avant. Tu verras hein, quand tu liras. Il y a plus d'enjeux quoi. C'est pour bientôt. Manapul, c'est vraiment un artiste que j'adore et je trouve qu'il fait vraiment. Il retranscrit vraiment très bien Flash. Maintenant, j'ai vu quelques dessins de lui de Batman, ça change, mais je me dis que c'est pas plus, ça peut peut-être pas être plus mal. Mais j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont faire sur Detective Comics. Sauf Ah qu'ils oui, vont non, mais bien plus se sûr. recentrer sur un truc plus enquête, apparemment. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. Ouais. Moi, Ouais, après, c'est pareil, c'est ça. C'est des intrigues qui sont plus simples. Manapul, c'est un de mes dessinateurs préférés. Mais après, enfin, le Flash, j'ai adoré leur run. Mais enfin, ce qui vient après, je trouve que il y a un gros potentiel, quoi. Je trouve ça plus épique ce qui vient après, quoi. Bon, après, je vais pas te dire ce qui se passe, mais c'est. Je sais pas, les derniers numéros, ils m'accrochent vraiment, tu vois. Après tu verras, tu me diras quoi. Mais là entre-temps là il y aura des épisodes un peu bouche-trou là entre-temps entre les deux runs je crois qui vont pas tarder à sortir. Bah, normalement c'est le je pense qu'en français on a eu le dernier de Manapul ou l'avant-dernier donc Ouais, après ça va être les nouveaux. après je crois qu'il y a Buccellato donc le coloriste il fait les scénarios mais c'est d'autres dessinateurs. C'est un peu moins beau mais l'histoire est pas mal mais après tu verras ça va vraiment redémarrer quoi. Il parle de Wally et tout, ça redevient. Ouais, tu verras, tu me diras quand il sera. Là, on va passer au review VF. Alors vas-y, Vinch, qu'est-ce qui t'a fait kiffer pendant ces 2 mois? Alors, moi, ce qui m'a fait kiffer, bah, c'est déjà qu'ils ont pris le Zero Year en entier, enfin en entier, dans toutes les publications VF en tout cas. Donc, pour les 75 ans de Batman, on a eu droit à trois superbes covers, dont une limitée. Sur le zéro hier, c'est quoi tes numéros préférés alors? Alors, moi, mon numéro préféré, bah, déjà Detective Comics, j'ai plutôt bien aimé, se concentrer sur Gordon. C'est un personnage que j'aime bien, et en plus, là, il était plus développé dans sa jeunesse, donc j'ai bien aimé. Le backup aussi, qui était parfaitement en lien direct avec l'épisode. J'ai un peu moins aimé le Zero Year de Superman, enfin Action Comics, que je trouvais pas spécialement en rapport, à part le fait qu'ils seront à Gotham, mais je veux dire, Ça, enfin, ils vont tous à Gotham, ça c'est un en peu fait, n'importe quoi, il c'est va même abusé pas à Gotham, je veux dire, il est sur le côté, mais je veux dire, ça n'a aucun rapport précis quoi. avec l'histoire. Celui que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est Green Arrow, qui est carrément en rapport avec la série, et je veux dire, c'est un peu la première rencontre entre Batman Ouais, et mais les là c'est pareil, super-héros. c'est abusé quand même. Tous les mecs qui sont à Gotham le jour de Zero Year, quoi. Ça t'a pas un peu saoulé? Bah, dans ce que j'ai vu, non, parce que je trouve qu'il y avait une raison précise, quoi. Je veux dire, c'était pas vraiment, ils venaient pas à Gotham pour rien, il y avait que. Non, en fait, tous, ils étaient là pour une raison précise. Oliver, c'était pour sa mère. Superman, en fait, il était pas à Gotham, il était juste les côtes, parce qu'il. Il était encore en mode, je crois que je peux dompter tout le monde parce que je suis plus fort, donc il s'est dit que je vais aller me frotter à la nature, mais il se fait défoncer. Parce qu'en fait, une vague, et ben, ça bat Superman. Ouais, je l'ai lu celui-là, j'ai pas trop kiffé. J'avais lu celui de Ouais. Flash, il m'a déçu aussi. L'histoire où il va enquêter à Gotham aussi, là, ça m'avait. Ben, celui de Flash, ouais, c'était pas le top. Enfin, j'ai juste bien aimé la mise en place de l'intrigue sur Icarus, mais sinon, elle cassait pas trois pattes à un canard. C'était pas vraiment la meilleure. Celle que, par contre, j'ai bien aimé, c'est celle. De Green Lantern Corp, où on se concentre sur John Stewart quand il était dans l'armée, mais surtout on a une mini origin story de Anarchy. Il était pas à Gotham aussi, John Stewart? Si, dans le Dôme de Gotham, justement, C'est comme abusé. militaire, parce que, donc à l'époque, il n'était pas encore Green Lantern. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, surtout dans le numéro, c'était la mini origin story de Anarchy. Enfin, pourquoi mini origin story? Parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a voulu devenir comme ça. Mais on a une vague idée, c'est à cause des problèmes qu'il y avait dans son quartier. Et il a décidé de saisir l'occasion avec la tempête pour se rebeller et essayer de former son gang. Donc je trouvais que c'était intéressant. Maintenant, je veux dire, tous les teens n'étaient pas intéressants. Par exemple, ceux qu'ils n'ont pas mis, je sais qu'il y en a eu pour Birds of Prey, Normal, ça. Red Hood and the Outlaw. Ceux-là, mais on ne les a pas vus, mais je pense pas que c'était nécessaire. Parce que souvent, les teasings, c'est juste pour donner une petite histoire en plus. Comme ici, voilà, sur tous les cartes qui sont sorties, il y en a deux que j'ai vraiment bien aimées. Et les autres, bah, elles étaient bien, mais c'était pas non plus. Je vais dire, je les aurais pas lus, ça m'aurait rien changé, quoi. Alors, celui de Red. Alors, je te rejoins sur celui de Detective Comics avec Gordon, je l'avais bien aimé aussi. Et par contre, celui de Red Hood était vraiment cool. Parce que je me souviens, j'étais à saturation de cette série-là, à cette époque-là. Et son tie-in Zero Year était plutôt pas mal. Je l'ai pas lu, donc je saurais pas dire si elle était bien ou pas. Maintenant, vu que tu m'en parles, je pense que je vais peut-être aller jeter un coup d'œil Bah, pour voir ce que ça donne. si t'as l'occasion, vas-y, parce qu'il était vraiment pas déplaisant, quoi. Puis vraiment focalisé sur Jason Todd, donc. Non, franchement, bien. Il y a eu Batgirl aussi qui a eu droit à son moment zéro hier, mais c'était encore une fois pas vraiment terrible et pas très intéressant, on va dire. C'était vraiment, on va, enfin, c'était pas intéressant. C'est juste l'histoire de Barbara qui essaie de s'en sortir et qui joue les héroïnes. Mais on va dire qu'il n'y avait pas de, ça avait aucun rapport pour l'histoire à part voir Batgirl ce qu'elle faisait à ce moment-là, quoi. Ouais, c'était sympa sans plus, quoi, je dirais. Ouais. Maintenant, le truc intéressant aussi, c'est donc comme Batman bah, fête 75 ans, bah, on a eu droit à la première partie du Detective Comics 27 dans le Batman Saga 27. Donc la revisite de la première histoire de Batman, que j'ai trouvé pas mal intéressante. Enfin, j'avais déjà lu la première histoire, ici elle est un peu plus longue je crois, que son origine. Mais je trouvais les dessins, elle cassait pas non plus la baraque, mais c'était pas mal. Maintenant ce que j'ai trouvé intéressant c'est la revisite de son histoire façon années 2000 quoi. Et alors à la fin le petit clin d'œil qu'ils ont montré dans la dernière case, que je trouvais pas mal aussi, même si elle apporte rien dans, je veux dire, dans la continuité, quoi. C'était vraiment du fan service de remontrer le premier Detective Comics 27 qui est sorti il y a 75 ans, et la suite donc de ce numéro spécial qui arrive dans Batman Saga 28, qui est sorti fin du mois. Ouais, parce que du coup, vous avez. Toi, t'as pas encore lu l'épisode de Snyder dessiné par Murphy? Non, je pense qu'il est dans. Ah non, il est pas dans. Si, je l'ai lu, mais c'est un teaser à Batman Eternal, je crois, non? Non, non, Ah, non. c'est dans le Donc, prochain ah, c'est numéro, dans le dans prochain, Batman ouais. Saga, Ah, alors. Ouais. parce que celui-là, franchement, il est classant. Pense que moi j'ai eu du retard, enfin, on n'est pas livré en même temps que vous en Ah, Belgique, donc moi je j'ai rien l'aurai lu dans tout une ça, semaine et quoi. demie. Moi j'ai rien lu tout ça. Ouais. Et après en librairie? Alors en librairie, il y a la saga de Ra's al Ghul que j'ai acheté, que j'ai vraiment bien aimé, parce que je connaissais Ra's al Ghul via la série animée et via le film de Nolan. Donc j'avais jamais vraiment eu d'approche comics avec lui. Alors je me suis régalé à découvrir son origin story, de découvrir l'histoire, donc comment est-ce qu'il est devenu, parce que je crois que c'était vraiment bien raconté. On a vraiment toute son histoire de A à Z à Ra's al Ghul. Ensuite, on a un récit sur Batman et Talia, je trouvais bien raconté aussi. J'ai vraiment apprécié l'histoire, la façon dont ça se déroule, principalement la fin, je veux dire, du deuxième récit, qui est en fait une vachement grosse porte ouverte, que je ne sais pas si elle a déjà été explorée un jour. Parce que clairement, en fait, Batman a deux enfants. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je trouvais ça assez énorme. Ah, jamais lu ça non plus. Parce que. Donc, en fait, en gros, c'est l'histoire de Talia, de Batman qui décide de rejoindre l'organisation de Ra's al Ghul pour Talia. Donc, ils sont amoureux, ils vont se marier, elle est enceinte. Mais le problème, c'est que Batman s'est un peu ramolli. Alors, on sait pas vraiment pourquoi. Mais Talia décide de lui faire croire qu'elle a perdu l'enfant pour que Batman se reprenne en main. Et après, elle décide de le quitter, mais on apprend qu'elle a abandonné l'enfant. Et donc, on voit qu'il y a un bébé avec le collier de Talia tout à la fin qui se fait adopter. Donc, en gros, Batman a un enfant, mais autre que Damian, quoi. Maintenant, je sais pas si c'est continuité ce récit, je sais pas si ça a déjà été réutilisé ou ce sera un jour réutilisé. Mais quand j'ai vu ça, je trouvais ça assez gros. toute façon, un mec qui a autant de copines, il doit forcément avoir des enfants illégitimes quelque part. Ouais, c'est vrai, on sait jamais, ça peut arriver. Moi, j'ai jamais vu tout ça, donc honnêtement, Bah aucune idée. franchement, si Ra's al Ghul t'intéresse ou t'as envie d'en savoir plus sur lui et sur le lien entre lui et Batman et Talia et lui, bah, je trouve que c'est un bon récit. Une des bonnes pioches, je trouve, de leur année du vilain. Et alors... Il y a tellement de trucs à acheter, tu vois. Moi, je te disais tout à l'heure, j'ai acheté Green Arrow, Green Lantern, que j'ai pas encore fini, mais qui est vraiment bon aussi, quoi. Vous l'avez pas acheté celui-là encore? Non, moi je l'ai pas acheté parce que comme t'as dit aussi, il y a beaucoup de trucs, donc je me concentre sur je veux dire, ce qui me fait le plus flasher. Bien sûr, bien sûr. Ben, Non, ça celui-là, m'intéressait aussi, mais comme c'est un gros bouquin et que ça date d'il y a quand même un petit moment, les histoires, j'ai plus de mal à le lire, donc ouais, je bah vais pas avoir alors, mis le principal, quoi. justement, sur ce point-là, moi j'avais acheté La mort de Superman 1 et 2, j'ai fini le 1, j'ai mis 6 mois, le 2, j'ai laissé tomber parce que ça m'a trop pris la tête, ça arrête pas de tchatcher, t'as des bulles dans tous les sens où ils te disent ce qu'il va faire, après, dans la bulle d'après, ils te disent ce qu'il a fait. Donc, la narration à l'ancienne, c'est trop relou. Et donc, j'ai pris Green Arrow, j'avais peur, mais en fait, non, c'est ancien, mais ça passe tout seul, quoi. La narration, elle est vraiment différente. Il y a des pages, mais franchement, ça se lit tout seul, quoi. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, quoi. Bah moi j'ai un Et peu le honte, mais fameux. Ouais? j'accroche pas du Vas-y. tout à Green Lantern en fait. Ah, ouais. Ah, Parce que Green ça prend pas Lantern, du c'est tout fabuleux. quoi. Ouais? Ça, Green ça. Lantern, c'est fabuleux comme série, quoi. Faudrait que tu commences du début, en fait. Bah ouais, je sais, en plus j'adore tout ce qui est spatial et tout, les tripes cosmiques, mais là, ouais, Green Lantern, j'ai jamais réussi à accrocher, mais bon, je retenterai. Ouais, faut que tu commences avec la collection Geoff Johns présente Green Lantern. C'est vraiment c'est fabuleux, quoi. Et là, en fait, Green Arrow, Green Lantern, en fait, c'est une série qui. Apparemment, le run il a été acclamé parce qu'à l'époque, c'était la première fois qu'on parlait de ça. Il n'y a pas vraiment de menace cosmique. Bon, il y en a un peu, mais c'est plus sur les problèmes de l'Amérique de ces années-là, en fait. Et donc, c'est des petits épisodes à chaque fois où oui, voilà, en fait, les deux, ils font le tour de l'Amérique et ils vont aider les gens qui ont des problèmes sociaux ou toutes sortes de problèmes, quoi. Donc, maintenant, ça fait un peu cliché, des fois, comment c'est écrit. Mais bon, ça passe quand même très bien. Donc, je me dis qu'à l'époque, ouais, ça devait être quand même être assez colossal à lire, quoi. Donc, c'est vraiment une bonne lecture, quoi. Et c'est vraiment, ça se lit vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des pauses comme la mort de Superman, que c'est pas possible, je ne finirai jamais ce bouquin, je crois. Bah bon courage. Hein. Donc pour finir, je vais parler rapidement de l'héritage de Deathstroke, encore un DC Nemesis qui est sorti. Alors j'ai été plutôt déçu par ça. Bah, donc déjà, quand on voit la couverture, bah, ça donne envie parce que c'est du Fabok. Mais en fait, il dessine pas, il a juste fait une couverture. Donc, Oui, mais ils sont bien les dessins quand même, non? C'est qui fait les dessins? principalement c'est Bennett et Paniska. Mais moi, j'ai pas été trop fan parce que c'est vrai que les dessins sont pas dégueulasses. Mais je trouve qu'ils ont l'art de surdimensionner les corps, surtout celui de Deathstroke. Donc j'ai l'impression continuellement qu'il a deux tourelles lance-missiles sur les épaules. Il est over-musclé. Je trouve que c'est un peu trop. Surtout quand on voit la couverture devant, bah, j'ai pas l'impression que le corps de Deathstroke est tout le temps proportionné convenablement. Il fait vraiment trop trop musclé, je trouve. Maintenant, l'histoire, elle casse vraiment pas la baraque. C'est vraiment pas. Je veux dire, j'ai été déçu parce que Deathstroke, je l'imaginais plus comme je l'avais découvert dans Identity Crisis, comme un mercenaire puissant, mais pas débile, comme je l'avais vu dans Young Justice aussi. Un gars qui réfléchit, alors que là, on passe en fait tout le comics à voir un gars qui s'en fout totalement de la stratégie. Tout ce qu'il veut faire, c'est tuer, tuer, tuer pour être respecté, pour être reconnu comme le meilleur tueur du monde. Comme Ça, Claire. c'est les premiers épisodes du run là qui a été annulé, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ils ont sorti ça pour l'héritage de Deathstroke, mais c'est mauvais pour moi. Par exemple, même à un moment, on lui fait la réflexion, pourquoi tu t'infiltres pas? Ben, parce que sinon, on saura pas que c'est moi. Donc moi, lui, ce qu'il kiffe, c'est rentrer par la grande porte et couper tout ce qui passe, quoi. Donc je trouvais que c'était un peu une insulte au personnage qui était si charismatique. Là, il est vraiment pas... ça lui rend pas hommage, surtout que Urban, je pense que c'est comme le TBT, mais pour l'héritage de Deathstroke, en fait, ils auraient pu mettre le numéro 0 que j'avais lu. Qui est vraiment, je veux dire, la pierre angulaire de cet arc-là, quoi. Donc là, on découvre plus ou moins pourquoi, en fait, Deathstroke est poursuivi, mais on ne sait pas le fin fond de l'histoire, qui est mieux expliqué dans le 0, qui n'est pas publié, quoi. Et au final, même, ça reste un peu léger, en fait, c'est juste parce qu'il a maltraité son fils que son fils veut absolument le buter, quoi. Mais on se dit, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, t'étais méchant avec moi, je vais te tuer, quoi. Ah ouais, c'est Donc je trouvais bizarre. l'histoire vraiment légère, et puis vraiment ça rendait pas hommage au personnage, donc je trouve ça bizarre qu'avec tout ce qui existe, ben, ils aient décidé de publier le récit New 52 qui a pas marché pour cette année du vilain, quoi. C'est bizarre hein, qu'ils aient choisi d'éditer ça parce que bon, c'est vrai que le mec c'est quand même un stratège. Je me souviens en crise d'identité là, il défonce un paquet de super-héros tranquille mais en réfléchissant quoi. Donc, ouais. Je trouve ça bizarre ce choix d'Urban, mais bon. Maintenant, ouais, puis alors ils ont eu une erreur d'impression, je pense. Enfin, apparemment, Oh, la couverture brillante là. la couverture brillante, ouais, ça Ouais. vient du pack avec Warner Bros, je crois. Et je crois qu'ils ont simplement tout édité comme ça. Donc, Ouais. c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus super beau. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que ça casse un peu avec la collection de base, quoi. Mais bon, en même temps, le DC Nemesis, ils ont pas harmonisé tout ça, donc. Donc voilà, c'était pour ce qui était sorti. Il y a eu aussi Green Lantern et Tom 3 et Nightwing qui sont sortis en New 52. J'ai arrêté ça. Nightwing, malheur. Tu l'as lu, Nightwing? T'as aimé? Nightwing, ouais, moi franchement j'adore. Le nouveau départ avec Chicago, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est plus rafraîchissant. Ça s'éloigne un peu des intrigues de Gotham. Moi, ça me plaît bien. Je trouve que c'est divertissant. C'est pas la meilleure intrigue du monde. C'est pas le truc que tu vas te dire en fermant le lit. Waouh, j'ai eu une histoire extraordinaire. Mais je trouve ça pas mal, j'ai bien apprécié. Puis en même temps, on retourne sur un peu les origines, je retourne sur un problème originel de Nightwing, celui qui a tué ses parents. Donc, je trouvais ça intéressant. Maintenant, c'est vrai que. Moi j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé là, avec l'intrigue sur Batman, là, mais après quand il part à Chicago, j'avais lu en VO, j'ai arrêté quoi. Il y a un mec là, le prankster là, c'est ça non? Ouais, Léo, c'est ouais, c'est ça. le prankster, ouais, salut. Moi j'ai arrêté, hein, ça m'a saoulé l'histoire après, j'ai trouvé ça vraiment. Ça cassait vraiment pas trois pattes à un canard. Voilà, après moi j'ai arrêté, ben, là je le vends, hein. S'il y en a un qui veut Nightwing tome 1, tu me le dis, moi je te l'envoie. Hein. Ah, pour moi c'est bon, j'ai arrêté à peu près au même moment que toi. C'est Ah, t'as bien fait. Enfin, désolé Vinch, mais enfin, moi je me suis déçu quoi par ça quoi. Mais le truc C'est c'est quoi ce qui que a... Ouais, vas-y. Dick Grayson, enfin il pétait la classe avant le reboot New 52 quoi. Donc Bah, même ça. là, il pète la classe, moi je trouve. Mais après, c'est son histoire qu'ils ont fait avec le prankster là. Moi, je me suis fait chier en fait, tu vois. Ouais. Là, Ouais. Grayson, là, la nouvelle série, j'ai vu le premier pour l'instant, ben, ça part bien, quoi. Tu vois, c'est frais et tout, mais tu sens qu'il y a du potentiel derrière. J'ai adoré C'est comme dommage. Morrison et Snyder ont écrit Dick Grayson en fait où c'était je trouvais ça beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi et le mec c'était quand même Batman quoi, il y a encore peu et le revoir passer ouais, le revoir passer au costume de Nightwing ouais, ça a été un peu compliqué mais... Bon, c'est vrai qu'il est vite repassé à Nightwing. Maintenant, pour moi, c'était pas plus mal de le voir, parce qu'avoir deux Batman, c'était un peu spécial. Enfin, je veux dire, sur le long terme. Maintenant, c'est vrai qu'ils auraient pu mieux utiliser son personnage, parce qu'il passait vraiment du Nightwing qui était devenu Batman, donc je veux dire, qui était passé au niveau au-dessus. Et là, on le retrouvait un peu en super-héros indépendant, mais quand même encore un peu au niveau sidekick, quoi, je trouve, à certains moments. Mais moi, la lecture, je la trouve plaisante. C'est vrai qu'il y a beaucoup mieux, et que la série s'est dégradée par rapport à ses débuts. Maintenant, il reste plus qu'un tome, donc je vais finir la série. Et j'espère que la suite, comme apparemment tu le dis, va encore relever le niveau, donc c'est pas plus mal. Ouais, la nouvelle série Grayson quoi. Mais Nightwing là jusqu'à la fin, même le dernier. Enfin moi j'ai trouvé ça pathétique. Mais après Mais en tout cas Grayson là, le premier pour l'instant, ouais, ça repart bien quoi. Et on a oublié de dire une news aussi, c'est que donc le Green Lantern là, il va passer trimestriel au lieu d'être mensuel maintenant. Ouais, c'est ça. Ils ont donc On le a oublié de le numéro dire. 29, c'est le dernier. Et après, ça va passer en trimestriel à partir sûrement du mois de décembre. Et là, Urban devrait annoncer normalement d'ici peu la composition du magazine pour on dirait rassurer ou exciter les fans au choix. Parce qu'ils vont virer Ouais, Earth 2 en plus, non, du magazine a Ouais, tout à priori. fait. R2 passe dans Justice Justice League League, ouais, mais Saga. c'est normal ça. C'est normal Ça, c'est que normal, je trouve Justice qu'il a League plus sa place. Je pense soit. que Urban a voulu le mettre au début, puisque le début d'Earth 2, c'était centré sur Green Lantern de Earth 2. C'est ça. Maintenant, après, il a plus vraiment. Peu d'un moment, il a plus trop d'importance, puis il revient, mais il repart. Donc, Exactement. je trouve qu'il a plus grand chose à faire. C'est plus ouais, Justice League, je veux dire, d'Earth 2, donc il a mieux plus sa place là. Maintenant, ce qui me fait peur pour Green Lantern Saga, c'est la perte de série. Ouais, mais après, enfin, je veux dire, c'est normal. Apparemment, Red Lantern, apparemment, c'est pas extraordinaire. Et New Guardians, c'est pareil, non? Si, c'est des bonnes séries. Red Lantern, c'était franchement au début, j'avais du mal, je me forçais à les lire parce que je trouvais ça nul. Mais bon, vu que j'ai acheté le magazine, je me dis je vais quand même les lire. Après, maintenant, depuis le changement d'équipe, je trouve que elle est vachement bien remontée, cette série, parce que on va dire que Il y a Guy Garner est Charles Soule passé. là, c'est ça? Comment? Là, il y a Charles Soule, c'est ça? Parce qu'on a acheté Ouais, Charles Soule ouais, et Garner, c'est un Red Lantern, c'est ça? ouais. Ouais, c'est ça, Garner est passé Red Lantern, donc t'es plus focus sur Garner, c'est un personnage que j'aime bien. Puis je trouve ça mieux dessiné, le scénario est plus intéressant. New Guardian, ça a été vachement décevant pendant un moment. En fait, toute la période avant le changement d'équipe, c'était devenu vraiment une série horrible, je trouve, personnellement. Maintenant, je trouve que la série repart bien. On est centré sur Kyle et sur l'ex-copine à Carl Ferris, voilà. Sur Carl Ferris, c'est sur les nouveaux gardiens, enfin les deux gardiens templiers. Je trouve que la série a un peu repris du poil de la bête. Maintenant, je trouverais ça dommage de faire, même si c'est pas une série extraordinaire, je trouverais ça dommage de faire la passe sur la série alors qu'on l'a eu pendant 3 ans en fait. C'est surtout ça qui me reste en travers de la gorge, c'est que pendant 3 ans on nous a publié des trucs qu'on va nous virer, quoi. Et ouais, mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est une logique commerciale. Hein. Si ça se vend pas, déjà, ça a été bien, dis-toi, qu'ils aient Ouais, publié c'est tout sûr. ça, quoi. Parce qu'avant, quand c'était Panini, il n'y avait pas autant de séries qui étaient publiées, quoi, tu vois. Panini, je pense, je me demande si à part Batman il publie quelque chose. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc là, t'as quand même. C'est vraiment la faute de DC. Là, t'as quand même beaucoup de choix, quand même, quoi. Donc après, c'est sûr que si ça se vend pas, ils vont faire un trimestriel, mais je pense pas qu'ils vont virer des trucs. Hein. Ils vont sûrement mettre un tas de trucs, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils virent des trucs. Maintenant, faut voir comment. Parce que dans leur message, c'est un peu flou. Ils disent qu'ils vont se concentrer sur des arcs, mais ils parlent déjà d'arcs qui sont à peine entamés aux US. Donc, est-ce que c'est simplement pour vanter le mérite du magazine, ou est-ce qu'ils vont carrément zapper des parties de l'histoire? Non, mais après, ils Parce peuvent que. très bien aussi grouper les trucs où il n'y a pas d'arc pour après, la fois d'après, quand ils t'en feront, ils t'en un arc complet, tu vois ce que je veux dire? Cette possibilité aussi, ouais. Maintenant, on est un peu dans le flou, je vais dire. Ouais, mais parce Normalement. qu'en plus de ça, regarde Green Lantern, il y a tout le temps des crossovers. Il n'y a jamais Ouais, c'est rien. ça, Ça, ça a pas c'est. l'air évident à éditer cette série, hein. De quoi? Je disais, cette série, ça a l'air compliqué de l'éditer en VF parce que je crois que c'est la série DC qui est le plus impactée par les crossovers. Ouais, je pense qu'ils ont au moins 3 ou 4 crossovers par an, donc. Enfin, on va dire, en fait, dès qu'il se passe. Là, la ligne éditoriale est pas mal respectée, parce que dès qu'il se passe un truc dans une série, ben, en général, les autres séries sont impactées, donc. Moi j'ai laissé tomber Green Lantern, j'ai suivi le truc avec Relic, il est sorti ou pas encore? Ouais, mais c'est vraiment. Ça, c'est. Geoff Johns, il a foiré la fin de son run. Enfin, je veux dire, il a fait des années un run superbe. Non mais il n'y a pas Relic sur Geoff Johns, c'est les auteurs Ouais, d'après qui ont mis Relic. c'est le nouveau, mais je veux dire, je confonds Relic avec le comment Premier Lanterne, Ouais, ça c'était qui nul à était une chier, vraie ouais. purge, je Ah, trouve. ouais. C'était vraiment chiant à lire. Mais Puis là avec. Relic, c'était. Je trouve que c'est venu trop vite en fait, Relic. Parce qu'on sortait d'un méchant qui voulait tout détruire. 3 épisodes plus loin, on nous met déjà un autre méchant qui veut tout détruire. Ouais, mais c'est un peu Mais. différent avec lui quand même. Ouais, c'est différent, mais je vais dire, le contexte de base restait un peu le même. Maintenant, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'il a amené pas mal de choses pour développer la suite de la série, donc avec la lumière. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'ils vont développer ça sur le long terme. Mais ce que j'ai préféré aussi à Extinction, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé en français, bah, c'est que tout était regroupé dans un seul volume. On n'a pas dû se taper 3 mois de flashbacks et de réalités temporelles qui n'existeront jamais pour rien, en fait. Qu'on avait eu avec le premier Lanterne, qui était vraiment chiant. Ben moi j'ai lu Relic, j'ai trouvé ça trop bien, et le dernier numéro il m'a trop déçu, et après j'ai suivi un ou deux numéros, et puis après j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé quoi. Je m'y remettrai quand il sortira en VF, je pense. Je les achèterai en VF. Ouais, maintenant, ce qui est bien aussi dans l'univers Lanterne, c'est que tout est teasé depuis longtemps. Par exemple, début des nouveaux changements d'équipe, on a eu 2-3 numéros dans le Green Lantern Corps pour teaser le futur event avec les Durlan qui va bientôt arriver dans Green Voilà, Lantern mais normal. ça qui m'a saoulé, les Durlan. J'ai trouvé ça trop nul. Tu verras, tu me diras. Par contre, ce qui va arriver là avec les New Gods, ça a l'air trop bien. Par contre, enfin, ça me donne trop envie de reprendre, tu vois. Ah bah même moi Ouais, ça m'a donné maintenant. envie pour le coup. Mais les Durlan, par contre, moi, ça m'a saoulé, quoi. Tu verras, je te dis rien, mais bon, ouais, l'arc avec les Durlan, je l'ai pas fini. Moi, ouais, je me suis arrêté en plein milieu, ça m'a gavé avec les Durlan. Je verrai quand ils le publieront, parce que, enfin au pire, sinon je passerai à VO si ils arrêtent trop de séries, s'ils mettent la moitié des séries dans le truc, ben, à mon avis je passerai à la VO pour la partie Green Lantern. Parce que c'est vraiment l'univers Green Lantern, c'est un truc que j'affectionne particulièrement, j'adore le cosmique, j'adore ce qu'ils font, donc je Ouais, trouve ça moi aussi, dommage ouais, de le non, passer. moi je suis comme toi, moi aussi j'adore, hein, je les achète en VF et tout, mais après il y a. Maintenant c'est vrai Ouais. que c'est trop chiant, enfin, quand Là c'est dur à lire, c'est dur à lire. sur les derniers numéros, franchement c'était vraiment chiant quoi, même la caractérisation d'Al Jordan, c'était plus trop ça, et puis c'était lent, et les numéros il se passe rien, la menace c'est pas extraordinaire, je reprendrai je pense avec les New Gods, je pense, tu vois. Le seul petit truc que je peux reprocher encore à Geoff Jones, c'est la création de son personnage qui est sorti justement ce mois-ci. Il nous crée un nouveau Green Lantern, c'est super, même si on n'en a pas forcément besoin, mais on va dire que c'est une bonne initiative. Le seul truc, c'est qu'en fait, il a qu'il reste injetable, en fait, son personnage, depuis qu'il l'a. Hors de cet arc-là, à part 2-3 Il est nulle apparitions part, dans sinon de le. base, hein. Sinon de base il est nulle part, hein. Enfin, Ouais, dans la depuis il est nulle part. GLA, et puis apparemment la GLU, mais il est vraiment. C'est un clin d'œil, le gars, il n'existe plus, quoi. Dans la JLU, je l'ai pas vu encore. Je pense qu'il devrait y être, mais je suis même pas sûr. Mais c'est vraiment. Parce que chaque partie du Green Lantern est centrée sur un personnage, sauf Simon Bass, parce qu'il est censé être. Donc maintenant, le Green Lantern représentant de la Terre, sauf que sur la Terre, ils ont rien à foutre. Je trouve ça assez dommage d'avoir créé un personnage, d'avoir fait un crossover Ouais, c'est sûr. spécialement pour lui, pour en fait rien, quoi. C'est Non, sûr. j'espère qu'un jour il sera utilisé. Oui, après je pense qu'un jour ils vont le remettre devant, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai quoi, c'est dommage quoi. Mais sur le moment, je trouve ça un peu inutile. Justement, tu crées un personnage, autant l'utiliser, le développer sur le moment, quoi, mais pas l'utiliser sur 4 arcs, puis plus jamais le voir, quoi. C'est vrai. Quatre histoires, même pas, hein, sur un arc plutôt. Oh, mais je crois qu'on en a fini, on va passer C'est intéressant. à ce qu'on a fait en dehors des DC Comics. Alors, je sais pas, vous avez lu d'autres Oh. trucs ou vu des séries ou quoi? Vas-y, on commence par toi, Vince. Moi, j'avais été voir Gardien de la Galaxie Alors? au cinéma. J'ai bien kiffé. Déjà, j'avais lu la version Marvel Now des Gardiens de la Galaxie. J'avais bien aimé aussi. Donc, je me suis dit, je vais aller voir le film. J'ai bien aimé. Je trouvais l'histoire bien décomplexée. Maintenant, il y avait deux, trois parties du film qui étaient un peu spéciales. Je vais dire des danses ou des trucs un peu Marvel. Ça m'a pas forcément plu, mais sinon, dans l'ensemble, l'histoire était super. Et c'est vrai que c'était un bon moment de détente, sans prise de tête. Un bon moment ciné, quoi. Pas un bon film popcorn. D'accord, c'est pas les films Marvel habituels avec des gags bidons toutes les 2 minutes. Non, il y a pas facile à des gags, mais je veux dire, ils prennent bien, personnellement, D'accord. et ça m'a pas Ouais. saoulé. À part, je vais dire, deux, trois trucs, comme le fait de voir Star-Lord danser tout le temps sur la même musique. Je trouvais à la fin ça un peu pas forcément utile. Maintenant, il y en a qui ont bien aimé, d'autres qui ont moins aimé. Mais je trouvais pas ça lourdingue, je vais dire. Comme par exemple Iron Man 3, qui pour moi était une blague ratée du début à la fin. Moi, de tous les Marvel que j'ai vus, celui que j'ai trouvé vraiment excellent, le seul, hein, c'est Captain America 2 en fait. Celui-là, vraiment, j'ai pas vu Guardians, hein, mais Captain America 2, ouais, j'ai vraiment trouvé super bien ce film. Après le reste, franchement, Ouais, Thor 1, Thor 2, alors quoi. Regarde, Captain America 2, ouais, j'avais bien aimé aussi. Je rejoins Vinch, là, les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment un bon film popcorn. Il y a de l'humour à fond, mais c'est clairement assumé. Enfin, ça, tu vas le savoir dès le début. Et puis, enfin, franchement, c'est extrêmement bien fait, quoi. Tu t'en prends plein la tronche. Et puis, c'est des héros qui sont pas non plus super connus. T'es bien détaché de Iron Man et compagnie. Donc, non, franchement, ça fait bien voyager. Moi, je vais aller voir là cette semaine. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quoi. Franchement, vas-y, fonce, il est vraiment pas mal. Moi sinon j'ai maté une série qui a 10 ans là et ouais c'était ma série préférée, c'est The Wire. Vous connaissez ou pas? Ah, je vais me lancer là bientôt, c'est la prochaine que je vais regarder. Ouais, c'est complètement culte hein. Franchement, Ah c'est ouais. une tuerie. Ah ouais, carrément. Bah, t'aimes bien le rap américain ou pas du tout? Ah grave. Bah voilà, c'est vraiment l'ambiance ghetto et tout ça. En fait, la série, si tu veux, c'est le personnage principal, c'est vraiment la ville de Baltimore, tu vois. Et chaque saison, elle se focalise sur un truc en particulier. Donc, tu auras une saison plus sur le ghetto, une saison sur les quais, une saison sur les professeurs, tu vois. Et donc, tu vois tous ces personnages à travers les 5 saisons évoluer, en fait. Mais c'est quand même beaucoup plus basé sur le ghetto. Et cette série, c'est colossal, quoi. C'est vraiment une tuerie, quoi. Mate-la en VO, on la mate pas en français. Mais franchement, moi, je la conseille à tout le monde, tous ceux qui l'ont pas vue. C'est vraiment énorme. Par contre, là, je crois qu'ils vont la ressortir sur HBO remasterisée en HD. Parce que moi, je l'ai vu en écran 4 tiers. C'est un peu moins classe. Ah, je vais peut-être attendre la version remixée, mais ouais, je comptais me la mater cette série. J'en entends Ouais, que du c'est. bien. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que j'ai maté encore comme série? Pas mal que j'ai découvert. J'ai découvert Utopia aussi, une série anglaise. Je sais pas si vous connaissez. Non. Non plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Si vous avez l'occasion aussi, c'est les séries anglaises, c'est pas mal parce que c'est des séries courtes. Généralement, c'est des saisons de 5-6 épisodes, donc ça prend pas beaucoup de temps. C'est le pitch vite fait, hein. C'est une bande de mecs qui se connaissent pas, qui découvrent un comics. Et de là, il va y avoir une sorte de complot international. Voilà. Et à un moment donné, c'est marrant, au début, le mec il va acheter un comics et le comic shop il s'appelle Doomsday, quoi. Ça m'a fait rigoler. Et de là, il y a voilà, une sorte de complot, mais c'est vraiment excellent aussi, quoi. Donc ouais, je vous la conseille si. Après avoir vu The Wire, hein, parce que The Wire c'est quand même la quintessence quoi, pour moi C'est au-dessus de True Detective, au-dessus de Breaking Bad, au-dessus de tout, quoi. Eh ben, je me pencherai là-dessus. Et bah moi pour ma part, coup de cœur là, qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé la saison 1 de The Leftovers, là la nouvelle série d'HBO. Putain, t'as réussi à la finir? Ouais, bah j'ai adoré moi. Oh putain, j'ai craqué au 3, moi, tu vois. Bah, je vais juste un petit pitch vite fait. Ça se passe dans une bourgade américaine 3 ans après que 2% de la population mondiale ait disparu soudainement et sans raison. C'est un des scénaristes de Lost. Il me semble que c'est le réalisateur de Friday Night Lights. Donc c'est plutôt stylé au niveau de l'image. Après, c'est un peu la quintessence du vide cette série parce que finalement il se passe pas grand-chose, Merci. voire D'accord, rien. merci. Merci. Mais j'ai adoré ce vide en fait. Mais moi, ça m'a trop saoulé. Ils t'expliquent rien, tu sais. Ils font du difficile pour faire du difficile. T'as des séries qui sont un peu difficiles d'accès, comme True Detective, tu sais, où ça parle beaucoup, c'est lent et tout, tu vois. Mais là, ils t'expliquent rien. Tu vois des bonnes femmes habillées en blanc qui fument des clopes toute la journée, qui parlent pas, qui écrivent sur des bouts de papier. Bah putain, et à un moment donné, explique-moi pourquoi elles font ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, ils t'expliquent après ou pas? Pas du tout. Ah donc la saison est finie, tu sais toujours pas pourquoi ils écrivent sur des bouts de papier et fument des clopes toute la journée. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. En fait, Et t'as que... tu sais Ouais. rien, et puis je crois qu'ils ont pas l'intention de te l'expliquer. En fait, c'est toi le sens que tu vas mettre derrière tout ça. Donc, Ah bah super, bah viens on fait une série tous les trois alors. Super quoi. Oh le délire. Ah mais quand j'ai vu l'auteur, la ligne de Lost, j'ai dit c'est bon, il va nous la faire à la Lost, tu vois. Il va nous faire un truc encore pété avec une fin complètement pété. Je me suis forcé, hein. Les trois épisodes, je les ai regardés, mais j'ai craqué quoi. À la place, je me suis mis sur The Strain, et voilà quoi. Mais l'épisode final, il prend bien au trip, hein, franchement. Ouais. Mais bon, après, ouais, faut accrocher, quoi. Ouais, c'est particulier comme truc, ouais. Puis sinon, peut-être juste dire un petit mot de Multiversity. Ouais, bah oui, putain, on a oublié aussi ça aussi. Putain, c'est trop bien, De vraiment. Vas-y, vas-y. Grant Morrison, du coup, dessiné par Ivan Reis. Donc, ouais, c'est marrant, ça. Je sais pas si vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros quand on était gamin. Ouais, voilà, ça fait un peu penser à ça. Donc c'est du Grant Morrison, hein, donc c'est complètement pété. Il y a, tu vois, énormément de versions alternatives des différents super-héros qu'on connaît. Il y a le retour de Captain Carrot. C'est plutôt fun. C'est bizarrement accessible pour du Morrison. Il y a un bel hommage parodie au personnage aux Avengers. Marvel. Ouais. Ouais. Et non, franchement, c'est plutôt sympa. Je vois pas trop où il va aller avec tout ça, quoi, mais c'est un beau moment de lecture. Après, est-ce que ça restera dans les chefs-d'œuvre de Morrison? Ça, j'en suis moins convaincu, quoi. Et c'est accessible en VO, c'est facile à lire ou c'est dur? Non, c'est facile à lire, mais l'intrigue, elle est pas. Il se passe pas encore des trucs de fou, incompréhensibles, voilà, ça. Malheureusement. Ça pose un peu les bases, mais en même temps les bases ont l'air assez floues, donc voilà, tu. D'accord. Mais pour du Morrison, c'est quand même accessible. D'accord. Bah moi, Morrison, j'avais lu, parce que j'ai pas lu grand-chose. J'ai acheté il y a longtemps le Superman, l'Action Comics par Urban, là. Ouais, voilà, oui. Ouais, je le vends lui aussi, hein. J'ai rien compris, il y a des ellipses toutes les 5 minutes. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé, quoi. Je sais pas si vous l'avez lu celui-là aussi. Ouais, je l'ai Pour lu. Morrison, faut s'accrocher, il faut le relire 2-3 fois. Mais pour tout Morrison, en fait, je trouve que des fois, il part dans des délires, il s'en fout de ce que les auteurs font, faut relire, faut mettre de l'attention. C'est vrai que des fois, c'est pas le plus fun quand tu veux prendre un moment de détente comics de lire du Morrison, mais en général, ses histoires sont bonnes, mais c'est vrai qu'il part dans tous les sens et il s'en fout carrément de si tu suis ou pas, quoi. D'accord. Ce que j'aime chez Morrison, c'est la manière dont il intègre des éléments du Silver Age, tout ça. Des trucs. Oui, bah il aime bien le Silver Age, ça se voit. Donc, du coup, des fois, t'as l'impression. Enfin, sur son run sur Batman, il a vraiment tenu compte de toute la continuité du personnage. Il a rapporté de vieux éléments. Donc, c'était assez chouette. Mais bon, le récit que je préfère de Morrison, c'est quand même l'Asile d'Arkham, quoi. Celui-là, ouais. Moi, je me tâtais à me commencer le run de Morrison sur Batman. C'est bien ou c'est vraiment prise de tête? Non, c'est vraiment bien. Il y a C'est alors vraiment bien. il y a une partie un peu branlette intellectuelle là, mais sinon dans l'ensemble, franchement, le run il est vraiment génial. Alors, quand j'aurai fini mes 12 collections là, parce que j'ai commencé Wonder Woman aussi, Je m'y mettrai alors. À lire en parallèle avec ce que Snyder a fait là sur Batman avec Sombre Reflet. D'accord. À l'occasion, ouais. Parce que là, j'ai des collections dans tous les sens, quoi. Parce que Sombre Reflet, ce qui est intéressant, c'est que Snyder a bien commencé et a bien terminé l'histoire. Donc, ouais, voilà. Ok, bon, bah, je crois qu'on a terminé. Hein. Je pense aussi qu'on a tout dit. Et bah ouais. Voilà. Donc, bon, ben, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes nombreux pour cette première. Et puis, désolé s'il y a eu des erreurs ou qu'on s'est trompé de rubrique ou quoi. C'était la première, quoi. Donc, ben, Des fois voilà. du blanc ou quoi, on n'est pas encore rodé, mais ça viendra, on espère. Voilà, entre autres, quoi. Ou peut-être des petits bruits de micro ou quoi. Mais bon, voilà, on va tout faire pour s'améliorer rapidement. Donc, ouais, voilà. On va publier le podcast sur nos blogs respectifs. Et puis, sur chaque blog où vous allez, vous pouvez toujours mettre un commentaire, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Voilà, vous êtes le bienvenu. Donc, bah, à bientôt pour le prochain podcast. On vous tiendra informé sur nos comptes Twitter. C'est pareil, ils sont accessibles sur nos blogs. Hein. Vous pouvez nous suivre sur Twitter pour savoir un peu les news des prochains podcasts. Voilà, bon, ben, salut Vinch. Salut à vous et merci. Ciao les Salut gars. Spectra, à bientôt. À bientôt. Ciao.